Et puis vous pouvez venir, on n'est pas très loin de Montpellier, on n'est pas très loin de Nîmes, on n'est pas très loin de Marseille. Dans l'absolu, on n'est pas hyper loin de Lille. Ouais, ça passe, 8 heures de quoi, de voiture. De voiture, 8 heures de voiture, pour aller faire l'effort pour nous quand même. C'est la moindre des choses. Nous allons aller dans le public. Alors, tout le monde commence à flipper. Non, pour aller voir qui est venu ce matin. Bonjour. Ça va? Oui. Vous êtes une femme? Bah oui. Sherlock Holmes, ok. Première question. Okay. Tu t'appelles comment? Marina. Et Marina, tu es venue avec c'est ta fille? Oui, mes deux filles. D'accord, oui, parce que tu m'aurais dit ta maman, ça m'aurait étonné parce que tu es sa fille? Oui. Oh. Oh là là, ça va bien? Oui. Oh oui ou non, t'as perdu, hein? Elle veut pas perdre. C'est quoi ton prénom? Lola. Lola, et tu nous écoutes le matin? Oui. Au lieu d'aller à l'école? Oui. Marina, c'est la maman, la police va venir. On continue. Bonjour madame. Bonjour. Salut. Moi c'est Manu. Moi c'est Babette. Ah. Babette, bonjour. Bonjour. Babette, tu es venue seule? Tu es venue avec des amis? Non, je suis venue avec Muriel, ma copine, normal. Bonjour Muriel. Ah. Enchantée. C'est la première fois? Oui, je vous écoute tous les matins. Ah. Il va se passer un truc avec Muriel. Oui, il va se passer un truc avec Muriel et Babette. Bah, c'est la première. Laissez-moi quand même deux jours le temps d'arriver ici. On se voit après. Il y a plein d'enfants, donc il faut faire attention quand même. Elle est où? Il y avait une petite fille qui arrêtait pas de lever sa main tout à l'heure. Elle est tout au fond. Ah d'accord. Donc c'est bien. Donc elle a été punie par les parents. De... Bonjour. C'est toi qui faisais un grand signe. C'est moi. Ok. Oh, elle est sûre d'elle. Hein. Elle va m'envoyer des vannes. Ouais. Tu t'appelles comment? Laura. Laura, et tu es venue avec quelqu'un, avec ta maman qui est là. C'est ça, c'est maman? Oui, bonjour. Bonjour. Et alors, vous ne le voyez peut-être pas d'ici. Mm-hmm. Il y a juste à côté un petit enfant qui dort. Non, c'est vrai? Oui. En fait, qui est sur le rebord de la fenêtre. Alors, la fenêtre est fermée, hein? Alors, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. D'accord, donc elle ne comprend absolument pas ce qui se passe. Si, elle écoute tous les matins Manu. Si, elle sait. Mm. Hein, elle s'appelle comment? Loane. Loane, bonjour. Bonjour. Oh. Ah. Oh, ça va, excusez-moi, mais enfin, elle ne dit pas grand-chose. Hein. C'est vrai. Non, ce qu'on va parler, on va peut-être lui parler. Pour le chômage en France, qu'est-ce qu'on va faire? T'es content d'être là? Tu dormais quand même, hein, je t'ai vu dormir. Hein. Tu ne sais pas ce qui se passe. Trop mignon, la tête du réveil. Tu parles de moi ou d'elle? Des deux. Bon. Ne t'ennuie pas, tu as le droit de dormir, d'accord? Y a pas de... on comprend, même nous, des fois, notre émission nous emmerde à ce moment-là. Très bien. En tout cas, vous pouvez l'applaudir, c'est la maman indigne du jour. Ah ouais. Bravo. C'est génial. Tout bien, généralement, à chaque fois qu'on fait l'émission en public, il y a toujours une mère indigne. Ouais. Là, personne ne la regarde, mais on sait que c'est elle. Ouais, mais la vraie mère indigne aurait laissé l'enfant à la maison. Là, il est là, c'est déjà. Oh, bah, la mère indigne de le ramener, de le laisser dormir comme ça sur un rebord de fenêtre, on est pas mal, ça. Okay. C'est pas grave, on va appeler la sécurité, vous inquiétez pas. On va s'écouter Dua Lipa, les amis. Juste après, c'est les sondages du matin, comme chaque jour. On vous sort des sondages. J'avais des bons trucs, je crois. Ah. Ouais. Oui, 9% des gens avouent avoir déjà fait ça dans la piscine. Oh non. C'est cracra? Oh, un petit peu. La réponse, c'est dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Soyez les bienvenus, c'est lundi, c'est le 25 juin. On est en direct du Gros du Roi toute cette semaine. On est avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Dua Lipa tout de suite et juste après, les sondages du matin. Qu'on appelle la sécu pour la mère. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. Sur Énergie, il est 6h42. Nous allons avoir un gros débat dans un instant, les amis. Un gros débat. On l'avait fait pour l'apéro et le pique-nique, il me semble. Nous allons le faire sur la plage. Des vraies questions sur la plage. Comme, est-ce qu'on fait pipi dans la mer? Des vrais débats. Voilà, des vrais débats de fond. On va faire ça dans 5 minutes, ce sera juste après Dadju. Mais avant ça, 6h42, c'est le moment, comme chaque jour, des sondages du matin. Yes. Pour 35% des gens, alors attention, ce sont des sondages spéciales vacances. Ça se tient. Rapport au fait qu'on arrive en été, tout ça. C'est bien joué, bien joué. Je suis un génie. C'est mal, hein. Pour 35% des gens, c'est l'activité qu'ils comptent le plus faire durant leurs vacances. Quelle est cette activité? Du sport? Non, c'est pas du sport. Ah. Des mots croisés? Non. Hein? Non, mais il faut que tu arrêtes de sortir avec des personnes âgées. Quoi. Paulette? Faire l'amour? C'est pas faire l'amour, non. Pour 35% des gens, c'est l'activité qu'ils comptent le plus faire en vacances. C'est un truc culturel ou pas du tout? Pas du tout. Ah. Mais alors vraiment pas du tout. Boire des coups? Boire des coups non plus. Ah. C'est quelque chose qu'on fait chez nous? Effectivement. Tu peux le faire chez toi et tu peux le faire aussi à l'extérieur. Ça n'aide pas trop. Je vais vous donner la réponse. Pour 35% des gens, c'est l'activité qu'ils comptent le plus faire durant leurs vacances, dormir. Ben oui, on est crevés, ces vacances. T'es pas trop crevé, toi, de l'année. Non, moi, ça va. Pour 38% des femmes, c'est intimidant si un homme les drague alors qu'elles sont dans cette situation. Dans quelle situation? Elles sont en train de courir? Non. Non, c'est... elles font pas quelque chose. Non, c'est pas tellement l'activité qu'est le problème. C'est un lieu? C'est pas le lieu non plus qu'est le problème. Qu'est-ce que c'est que c'est donc quel problème? Est-ce qu'elles essayent quelque chose? Pas du tout. D'accord. Il y a pas de mal. Elles sont en train de manger un sandwich? Non. C'est pas intimidant. Bah si, t'as la bouche pleine, c'est pas ton avantage quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Après tout le monde ne crache pas quand il mange un sandwich. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est peut-être moi le problème. C'est une situation que tu peux avoir genre au supermarché, au restaurant, etc. ou pas du tout? Pas trop, non. Ah ouais. Mais c'est un rapport, je vous rappelle que c'est spécial vacances. Donc c'est quelque chose que tu fais sur la plage. Par exemple, enfin tout le monde ne part pas à la plage en vacances. Mais c'est vrai. Ça quand elles sont topless, en maillot? En maillot de bain. Pour 38% des femmes, c'est intimidant si un homme les drague alors qu'elles sont en maillot de bain. Voilà. Donc si vous voulez vous faire draguer à la plage et pas être intimidé, vous y allez en scaphandre. Ah ouais. 9% des gens avouent avoir déjà fait ça dans la piscine. Oh là. Alors je rajoute un petit truc pour voir. Ah ouais? Genre pour tester. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et t'as dit que c'était un peu cracra du coup. Ça se défend, dire le cracra. Ouais. La faire l'amour? Non, c'est pas faire l'amour. Bu un cocktail qui s'est renversé? Non. C'est embêtant pour la piscine. Boire l'eau de la piscine. Oh. Non, ils ont fait quelque chose. Hein. Ils ont fait quelque chose dans la piscine pour tester. Voilà. Est-ce qu'il y a une histoire de pipi pour voir s'il y avait le liquide bleu ou pas du tout? Non, il n'y a pas de pipi. Ok. Oh. Un petit prout. Un petit prout. Ah ouais. C'est la bonne réponse. 9% des gens avouent avoir déjà fait un petit prout dans la piscine. Oh. Pour voir ce que non, ça fait. C'est par un jacuzzi. Pour te dire, est-ce que ça va me faire nager plus vite, enfin, non, comme ça, quoi. Ah non, ah, tu l'as fait. Nul. Moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Ouais, oui. Ah non, quel horreur. Les sondages du matin. C'est dégueulasse. Parce qu'il m'a posé la question, je réponds. T'es honnête. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure, les amis. Dadju tout de suite. Et juste après, bon, on va continuer dans les vacances et dans la plage. J'ai une liste de vraies questions sur la plage. Peut-on faire pipi dans la mer? Veux-tu boire de mon vin de famille? Mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je veux parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. L'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Yeah. Hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Yeah. Contre ces choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Briserai les chaînes comme Django, Django. Dadju sur Énergie. Alors attention, si vous aimez Dadju, il va y avoir un truc exceptionnel ce soir. Ah ouais. Nous sommes toute la semaine en direct du Gros du Roi. C'est dans le sud de la France et il y a la mer. Ouais. Qui dit la mer dit bateau. Qui dit bateau dit concert sur un bateau. C'est évident. C'est totalement évident. Ouais. Vous vous êtes inscrit et il y a 50 personnes qui ont été tirées au sort qui vont assister à ce moment exceptionnel ce soir. Un concert privé de Dadju sur un catamaran en pleine mer. Génial. Ça, c'est génial. Ok, nous serons 50 au milieu de la mer avec Dadju qui va arriver, qui va faire un concert. Et qui va repartir. Genre juste le cadeau comme ça pour nous. Oh, on pourra manger de la pizza en le regardant. On en voit. Nous sommes en train de vivre un moment incroyable. Ouais. Ouais. Évidemment, 50 personnes, c'est pas tout le monde. Du coup, on fera un Facebook Live. Vous pourrez suivre ça. On a vérifié que la 4G passe. Ouais, on a posé la question du moins. D'accord. Okay, ça marche. On sera en Facebook Live ce soir. J'ai pas encore l'horaire exact. Ce sera aux alentours de 20h. Ouais, c'est ça. Ce sera autour de 20h, 20h30 même. Ok, on s'est pas renseigné pour ça. Ouais, non plus. Autour de ça. Pas grave. Autour de 20h, 20h30. Ouais. Mais on vous préviendra sur notre page Facebook pour assister à ce moment incroyable. Dadju au milieu d'un bateau qui lui-même est au milieu de la mer pour faire un concert privé. Ah, c'est énorme. Ouais. C'est top. On pourra faire des blagues, on pourra le pousser dans l'eau, ça va être cool. Non, on va pas faire ça du coup. Non, ouais, c'est pas cool. Non, ça c'est pas sympa. C'est votre problème, vous savez jamais jouer. Ce sera ce soir. David Guetta ici arrive pour vous dans 2 minutes. Avant ça, nous allons avoir un vrai débat, les amis, sur la plage. Oui. J'ai une liste de questions, de vraies questions sur la plage, sur la mer. Oui. D'accord. On donne notre avis. Mm-hmm. Est-ce que vous faites pipi dans la mer? Ah. Honnêtement, parlons peu, parlons bien, Nico. Moi je dirais oui, mais allez, je vais tout le temps à la bouée, moi, des 25 mètres. Ah ouais, je pense que la limite de la bouée était inventée pour ça. Alors tu as raison, mais je pense que tout le monde fait pareil. Oui. Ah bon? C'est-à-dire que tout le monde se dit, je vais faire pipi dans la mer, mais je vais aller un peu loin, donc tout le monde va au même endroit en fait. Oui. C'est mais ça. Comment vous faites? Tout le monde va au bouée. Mais non, mais tu peux pas faire. Moi j'arrive pas à faire pipi en nageant. Tu vois, je suis obligé d'avoir pied pour faire pipi. Oh, c'est très technique. Il a peur de couler quand il fait pipi. Ouais, d'accord. Il panique. Ouais. Donc tu fais sur le bord de la mer, quoi, du coup. La mer, je fais. La piscine, je fais jamais, par contre. Non, mais là, je parlais de la mer. Ouais, hein, la mer, je fais. Non, non, parce que je me défends tout de suite. Oui, ouais, d'accord. Ouais. Du coup, quand on ira se baigner, on est d'accord que tu iras à droite et nous à gauche. D'accord. Ça marche. Les raquettes de plage, pire ou meilleure invention du monde? C'est la folie. C'est magnifique. Ah ouais? Nico, c'est génial. Oh. Oh là là. Mais moi, il n'y a jamais personne qui veut jouer avec moi. À chaque fois, ma femme, elle veut lire un bouquin. Ah bah oui, moi, je la joue aux raquettes. Ah, tu joues tout seul? Bah oui, du coup. En raquette, la tristesse. Ah, ouais. Je jongle. La plage, c'est fait pour se détendre. Et en plus, quand il y a un peu de vent, c'est chiant. La balle, elle s'en va tout le temps. Il faut aller la chercher. Ah ouais, pas ça. Ouais, ouais, ouais. Personne ne sait en faire. Tout le monde compte ses échanges. 6, ouais. 7, et après, en fait, il part à 0. Le vrai truc, c'est qu'il n'y a pas de règle aux raquettes de plage. C'est pas sérieux. Mais si, par terre, tu fais une ligne et tu sais que si jamais elle a. Oh, le professionnel. Ah non, mais les gars, il y a des règles. Non, oh, la plage avec Nico. Tu te mets une distance. Non, mais tu te mets une vraie distance. Tu fais une ligne par terre dans le sable. À quel moment tu vas à la plage? Ouais. Tu dis aux gens, poussez-vous, on fait le terrain. Non, mais c'est clair. J'ai tout le monde. Non, mais l'étape d'après, c'est quoi? Je vais mettre un petit muret sur les côtés. Non, mais j'arrive très tôt. J'installe un terrain. Et après, je dis, bah voilà, il n'y a plus de place. Fallait venir à 7h du mat. Ok. Est-ce que vous arrosez quelqu'un qui essaye de rentrer dans l'eau? Ah oui. Alors, ça, c'est le principe, on est d'accord. Ah oui. Quand quelqu'un essaye de rentrer dans l'eau et qu'il a du mal. Ouais. C'est normal, ouais. On le pousse. Moi, je le fais beaucoup, mais je déteste qu'on me le fasse par contre. Ouais. Ah, mais personne, hein. C'est comme les raquettes de plage. Tu aimes bien jouer, tu détestes quand les gens le font. C'est vrai. C'est le concept de tous ces trucs-là. Ouais. Autre question. Hmm. Vous portez quoi comme chaussures à la plage si vous en portez? Ah. Alors, Paulette. Pas des chaussures fermées. Pas de claquettes, de tongs, de choses comme ça, parce que si le sable est brûlant, ça te fait mal. Donc tu y vas en Converse? Ouais, exactement. Oh. D'accord. Ouais, ouais. Ah, non, mais c'est vrai. Et tu te baignes en bottes? Oui. Bah oui, il y a de l'eau, alors je mets des bottes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la plage? On peut continuer un petit peu, Nico. Au niveau de la serviette, quand on la secoue, est-ce que vous la secouez s'il y a du monde à côté ou pas? S'il y a du monde à côté? Ouais, c'est insupportable ça. Ah. Non, normalement. Tu fais très attention. Non, tu prends ta serviette, tu vas sur le parking et devant ta voiture. De quoi? Devant le parking. Bah oui. Oh là là, mais qui. Oh là là, on va pas à la plage ensemble. Bah mais non. Nico, bah tiens, il n'y a plus de parking parce que Nico, il a fait un terrain de raquettes dedans. Donc ça devient très compliqué. Ouais, c'est autre question? Ouais, est-ce que tu peux proposer à un ou une inconnue de lui mettre de la crème à la plage? Oh, mais t'es malade, toi? À une inconnue? Bah non, mais dans le dos, c'est compliqué de s'en mettre. Moi, j'aimerais bien des fois qu'on me propose de m'aider à mettre de la crème. Non, ouais. Mais alors, tu sais que c'est pour ça qu'il y a la police, hein? c'est pour les gens comme toi, ouais. Ah, c'est-à-dire que normalement, tu te demandes qu'on t'en mette, mais effectivement, aller vers une fille avec tes lunettes de soleil en slip et dire je peux vous mettre de la crème. Ah ouais, là, c'est effectivement, trop chelou. Tu peux rentrer c'est chez trop, toi. Trop chelou. Voilà, mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais, non, mais je vais éviter. Mais ça va, toi? Si on peut aider. On a Marion avec nos téléphones. Bonjour, Marion. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Salut. T'avais une question plage à soumettre. Oui, est-ce que c'est ringard d'aller à la plage avec une chaise? Oui, on te rappelle plus tard. La pauvre. Ah ouais. Est-ce que c'est ringard de venir avec une chaise? En fait, tu sais quoi? C'est comme la chaise à la plage, c'est comme la glacière. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde te regarde et tu te sens mal parce que tu te dis c'est quand même un peu ringard. Ouais. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Et t'es bien ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Parce que le rosé frais, il est mieux dans la glacière. Ouais. C'est évident. C'est et parce évident. Que t'es mieux assis sur une chaise que sur les galets, quoi. Ouais. Ouais. T'as jamais envie de la porter, la chaise, mais t'as envie qu'un pote à toi l'ait. Ouais. Et tu dis, putain, mec, t'as ramené une chaise, oh, t'es trop con. Et dès qu'il va dans l'eau, boum. Tu dis, maintenant, elle est à moi. Tu vas à la chasse, faire sa place. C'est exactement ça. Et oui. Il faut toujours avoir un pote qui porte les trucs ringards, mais c'est toi qui les utilises. Ou un mari, ça marche aussi. Ou un mari, Marion, effectivement. On a des gros soucis de couple, aujourd'hui. Hein. On t'embrasse, Marion. Merci de nous avoir appelé. Gros bisous. 6h54. On va s'écouter David Guetta ici. À tout de suite. À 7h, c'est les infos. Et à 7h05, dans 10 minutes pile, pour la première fois de la matinée, on double votre salaire. Vous vous inscrivez. Energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Bon réveil. You can do this. Slow my- Bienvenue sur Énergie, il est 6h57, on revient dans 3 minutes avec les infos et à 7h05 on double votre salaire, à tout de suite. Manu dans 6h09, 6h09h30. Tous les matins sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons d'achat, c'est discount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout retenez la pire. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valable jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservé aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Aujourd'hui, je veux un mode de vie sain et naturel. Je bouge, je mange équilibré et pour ma protection solaire, je fais le choix du bio. C'est Bio Beauté by Nux. Sa formule SPF 50 aux actifs de fruits bio et aux filtres 100% minéraux m'offre un bronzage en toute sécurité. Avec la gamme solaire Bio Beauté by Nux, j'ai trouvé ma protection solaire bio, efficace et plaisir. En ce moment, pour un solaire bio SPF 50 acheté, Bio Beauté by Nux vous offre un après-soleil 50 ml. Dans les pharmacies et parapharmacies participantes et sur nux.com, dans la limite des stocks disponibles. Leclerc. Philippe, c'est quoi ces fûts de Heineken là? Ah oui, alors je t'explique. En ce moment, chez Leclerc, c'est le grand rendez-vous des promos. Et tu as 30% de remise immédiate sur le fût de 5 litres de Heineken. Ah oui, 30%? Eh ouais, 30%. Et sur de la Heineken. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Le fût de bière blonde Heineken de 5 litres avec 30% de réduction immédiate est à 10,49€, soit 2,10€ le litre. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ok, donc on a de la Heineken. En promo. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement. Tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Pays Catalans. Les vignerons catalans, une union des principales caves coopératives du Roussillon, produisent une vingtaine de vins différents. Ils sont notamment réputés pour leur Côte du Roussillon Village, issue de 4 cépages. Des vins qui ont du corps dès leur prime jeunesse pour les amateurs de vins tanniques et épicés. Un peu comme moi d'ailleurs, jeune et bien charpenté. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Passe au retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose des cours particuliers, des cours en petits groupes et des stages de vacances. Bénéficiez d'une recommandation personnalisée pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Cronenbourg présente l'édition limitée tricolore, les années qui comptent. Et c'est parti, après des mois de préparation, Cronenbourg, bière brassée en France, s'affiche en bleu, blanc, rouge. Une édition limitée tricolore qui rend hommage aux années qui ont le plus compté, à collectionner dès maintenant en magasin. Cronenbourg, dans la limite des stocks disponibles pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, ah, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl, ils ont le melon, c'est ça? Ah non, là c'est la pastèque patron. Aujourd'hui et demain, ils envoient du lourd. Hein. 2,99€ la pastèque sans pépins. Du lourd, en effet, ouais. Et pour nous, ça crée pas ta caisse la pastèque à moins de 3€ pièce. Ah non, mais là, c'est vous qui êtes lourd, patron. Hein. Parce que moi, ça me fait pas rire la pastèque à 2,99€ chez Lidl. Eh oh, c'est bon, hein. Tu sais quoi? On fait pas le point. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4,5 kg, 5,5 kg, sans pépins, origine Espagne. Manu dans 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h01, qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. On va s'écouter le dernier ping, ça arrive juste après les infos et on double votre salaire, c'est dans 3 minutes sur Énergie. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours aucune ombre au tableau. Le soleil brille ce lundi sur toute la France. Ça va d'ailleurs continuer toute la semaine avec du grand beau temps, du grand ciel bleu à perte de vue. Et il va faire chaud dans les prochains jours. Ce matin d'ailleurs, on passe déjà de 13 à 21 degrés du nord au sud. Et cet après-midi, il fera 25 à Dijon, 26 à Laval, 27 à Toulon, jusqu'à 29 pour les maxis à Montauban. La dernière ligne droite, bon courage aux élèves de terminale qui se lèvent encore pour passer leurs options aujourd'hui. C'est fini pour les ES, du côté des L et des S, il faut plancher au choix sur les arts, le latin ou les sciences de l'ingénieur ou encore les SVT. Pensez aux vacances ce soir, ça ira mieux. Résultat officiel dévoilé le 6 juillet. Dans l'actu également, un enjeu national pour mieux lutter contre la maladie. Il faut d'abord la connaître et la comprendre. 4 cancers sur 10 en France pourraient être évités selon un rapport officiel aujourd'hui. Nos mauvaises habitudes sont pointées du doigt et parmi les principaux facteurs de risque, il y a le tabac, l'alcool, mais aussi l'alimentation trop riche et le manque de sport. À elle seule, la cigarette est à l'origine de 20% des cancers chaque année. Un coup de filet antiterroriste en France au week-end. 10 personnes proches du milieu de l'ultra-droite ont été interpellées dans plusieurs régions, notamment Corse. Elles préparaient apparemment des attentats contre des musulmans. Le chef présumé du réseau vivrait en Charente-Maritime. On passe au sport avec la Coupe du Monde de football. Les premiers matchs couperaient à partir de ce soir. Début de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Le Portugal, l'Espagne vont tenter de décrocher leur billet pour les 8e de finale, respectivement face à l'Iran et le Maroc à 20h. La France fait partie des 6 équipes déjà qualifiées. Rendez-vous demain pour les Bleus contre le Danemark. Un peu de basket avec le nouveau champion de France connu depuis hier. Le Mans a remporté son 5e titre au terme d'une finale incroyable. Les Manceaux sont allés s'imposer à Monaco lors du match 5 dans une ambiance irrespirable. Et puis la F1 aussi avec le bilan du Grand Prix de France, le premier depuis 10 ans. Le Var et le Castellet ont été pris d'assaut tout le week-end. Sur la piste d'abord, Lewis Hamilton a remporté la course. David Guetta lui a clôturé spectacle avec un concert en début de soirée. En revanche, c'était toujours complètement bouché sur la route et les parkings à 23h, un point absolument à améliorer pour l'année prochaine. Un retour, ça se prépare, surtout quand on est l'une des plus grandes stars de la planète. Adele aurait rencontré sa maison de disques au début du mois, selon la presse britannique. Ils auraient mis au point ensemble un calendrier secret, celui de la création de son nouvel album, le premier depuis 3 ans. Elle devrait passer tout l'été à écrire en vue d'une sortie sans doute vers Noël 2019. Adele, 30 ans et maman d'un petit garçon, se consacre à sa vie perso depuis la fin de sa dernière tournée. Combien pour un pistolet laser? Celui d'Han Solo dans le film de Retour de Jedi est parti en tout cas pour 550 000 dollars hier à New York. L'objet était mise aux enchères avec une quarantaine d'autres articles, accessoires et éléments de la galaxie Star Wars. 7h04, c'est la fin de ce flash pour un réveil avec Manu dans le 6-9 depuis le Gros du Roi cette semaine. C'est les vacances, bonne journée. Et comme chaque matin de cette semaine, nous sommes en direct et en public du Gros du Roi. Il y a 300 places de disponibles. Alors, il n'y en a plus beaucoup pour ce matin de libre, ah ouais. Mais il y en a pour demain, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi. Vous pouvez être 300 chaque matin à venir nous voir. Il suffit d'aller sur manudans69.com, vous vous inscrivez. C'est gratuit, évidemment. Et en plus, on vous offre le petit-déj. Ouais, cool, ça. Donc voilà, si vous voulez juste un petit-déj. Ouais, c'est ça. Passer, vous passez, quoi. Vous prenez votre petit-déj et vous barrez après. Ouais. C'est un peu vexant, quoi. J'aurais pu le faire, moi aussi. On est au Gros du Roi toute cette semaine. Mettez dans le 69.com pour vous inscrire. N'hésitez pas à venir avec nous. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. On va s'écouter Pink. Avant ça, une info Bogdanov. Ah. Ouais. Les frères Bogdanov sont dans la tourmente. Ouais, oui, oui, oui. Ils ont un souci, c'est qu'ils sont accusés d'escroquerie. Ouais. Et Igor et Grishka Bogdanov ont fait une interview ce week-end et ils expliquent: nous sommes victimes d'une réalité parallèle. Eh ben oui. Ah, ça y est. Oh non. Encore. Ils repartent encore dans leur délire. Dans leur délire. Des parallèles de monde. Que ça ne tient pas à tribunal. Oui. Hein, non, ça marche pas. Ça, devant le juge, ça ne va pas. Ça. J'aime bien les frères Bogdanov, je veux bien les défendre. Ouais. Le machin. Là, non. Ça, c'est une très mauvaise défense. Ouais. Hein, c'est voilà. C'est qu'en plus, elle marche jamais, quoi. Même si tu trompes ta femme, c'est non, pareil, quoi. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je suis victime d'une réalité parallèle. Ouais. Les gars, vous êtes lourds. Je la vois, la réalité parallèle. Elle est très parallèle. Ah ouais. Allez, on double votre salaire. C'est parti. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas, c'est gratuit. Chaque jour, 7h05 et 8h05, on vous appelle pour doubler votre salaire. Nous allons appeler Gwendoline. J'adore le prénom Gwendoline. C'est trop mignon, je trouve. Ça fait princesse. Ouais. Gwendoline, elle habite Pernes, c'est dans le Pas-de-Calais. Elle a 26 ans et elle touche 1404 euros chaque mois. Gwendoline, nous t'appelons. Et allô? Allô, c'est Gwendoline? Oui. Gwendoline, bonjour. Bonjour. J'adore ce prénom, Gwendoline. Ah ben, j'aime bien si t'aimes bien. Et ben voilà. Gwendoline, je t'appelle pour te poser une question. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Ah, c'est Manu sur l'énergie. Ah oui, c'est ça. Et voilà Gwendoline, et il y a 300 personnes qui t'applaudissent. Oh là là. Oh là là, ce sera le mot de Gwendoline. Oui, ça fait longtemps que j'attends, c'est... Et là, on sent l'émotion, tu es toute tremblante. Oui, oui. Respire, poussez, oui, madame, c'est bon. Poussez. Je m'assois. Ça va mieux? Oui, ça va, c'est super. Gwendoline, tu touches chaque mois 1 404 €. Je vais doubler ce salaire. Ça va faire pour toi 2 808 €. Oh, c'est super. Elle est mignonne. Alors, Gwendoline est scripteuse. Oui. Alors, pourquoi? Scripteuse, c'est un rapport avec le script, avec le cinéma, ou rien à voir? Ah non, non, moi, c'est moins glorieux. Je relève juste les compteurs de gaz et d'électricité. Ah! Je suis la méchante. Il n'y aura pas d'anecdote sur Luc Besson, par exemple. C'est ça. Sauf si tu relèves le gaz. Si tu relèves le gaz et l'électricité chez Luc Besson. Ah, peut-être, ouais. Il faut que je déménage, je pense. Ah, je sais pas. Et on appelle ça une scripteuse. Oui, c'est ça. C'est stylé comme ouais, comme ouais, c'est classe comme ouais, du coup ça fait un peu plus cool. Ouais, un peu plus cool. Et tu vas chez les gens relever les compteurs, tu rentres chez les gens du coup? Ouais, je rentre chez les gens, ouais ouais. Et il t'est jamais arrivé un truc de dingue? Il m'est arrivé une fois où j'ai frappé à la porte et puis t'as un petit monsieur qui m'a ouvert en caleçon. Alors quand c'est comme ça, t'es super gêné. Je t'ai plus regardé. Ah oui, à la détente. Il était vieux, il se rendait peut-être pas compte qu'il était en caleçon. Ouais, mais enfin, du coup, avec la vieillesse, le caleçon était pas très propre. Ah, comment ça? L'histoire s'arrête là. Effectivement, il n'y a pas d'anecdote avec Luc Besson là. Non. Bon, on peut changer le petit jeu par Luc Besson. Ça arrive souvent que les compteurs soient bidouillés quand tu arrives chez les gens? Bah, un peu moins là, parce qu'il y a les compteurs Linky, mais ça m'est arrivé d'en avoir. Ouais. Parce que moi j'avais un voisin qui faisait ça. En fait, il bidouillait son compteur pour payer moins. Et il m'avait proposé de le faire chez moi pour me draguer. Mais du coup, je suis pas sortie avec lui, quoi. Déjà, ça ne se fait pas. Bah oui, c'était malhonnête. C'est-à-dire que Paulette, elle lui dit ouais, bidouille-le, mais on sort pas ensemble. Non, Paulette, c'est pas ça le truc. Gwendoline, on te double ton salaire. 2 808 €, ça arrive très vite pour toi. Merci Manu, merci l'équipe, et puis merci le public. Et bah, le public te remercie aussi, t'applaudis. Et merci de nous avoir fait vivre ce moment de poésie avec qu'on appellera le petit vieux au caleçon. On t'embrasse Gwendoline, bravo à toi, ça peut vous arriver vous aussi, pas le petit vieux, d'avoir votre salaire doublé. Vous allez sur manudansle69.com, l'application manudansle69 ou energie.fr, vous vous inscrivez tous les matins, on double votre salaire, ce sera tout à l'heure encore à 8h05. On va s'écouter Pink tout de suite, soyez les bienvenus, c'est manudansle69 en direct du Gros du Roi toute la semaine. Too much and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, 'cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, 'cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me, 'cause I want it all. I know you see that we gotta talk. Now you know we must believe or fall apart. I feel like I should. Bienvenue sur Énergie, il est 7h13. On va s'écouter Maître Gims et Vianney, ça arrive dans 3 minutes. Et juste après. Non, juste avant, pardon, Maître Gims et Vianney, ouais. Ce sera le retour de Georges. Ah, ouais. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle aujourd'hui les gens en leur disant qu'il y a un détecteur de mensonges nouvelle génération qui fonctionne par téléphone. Génial. Voilà. Et les gens y croient. Et ça va se passer dans 3 minutes pour vous. Avant ça, quelques infos. Oui. Info Kim Kardashian. Ah, vas-y. Ok. Elle a déclaré, je vais arrêter les selfies, je n'ai jamais aimé en faire. De quoi ? Mais non. Ah ouais. Elle. Mais elle n'a fait que ça. Bah oui. Ouais. C'est que si elle arrête les selfies, autant que Facebook ferme. Enfin, je veux dire, Elle a même sorti un livre que de selfies d'elle en disant que c'était sa passion. Que... Et ben, elle a dit, j'ai jamais aimé en faire. Nous, on a aimé les regarder. Hein, si, oui. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, selon de nouveaux chiffres, écoutez bien. Tinder voit son nombre d'utilisateurs augmenter depuis la Coupe du Monde. Ah bon ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait les gens se donnent des rendez-vous dans les bars pour voir le match ensemble. Oh, c'est sympa. Et même mieux, en Russie, le nombre d'utilisations a été multiplié par 11. Quoi ? Alors pourquoi ? Parce que les gens se donnent rendez-vous dans les stades et les fan zones. D'accord, ah bah ouais. Donc okay. C'est les premiers rendez-vous se passent là-bas. Exactement, ce qui est une bonne idée, c'est-à-dire que si on gagne le match, bah t'es content, tu veux faire l'amour derrière. Ouais. Si on perd, on a besoin de se consoler, tu fais l'amour derrière. Dans tous les cas, ça marche. C'est l'amour tout le temps. Quoi. Bingo. Ouais. C'est génial. Cool. Bah, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, Victoria et David Beckham. Ouais. Pour rester dans le foot. Alors il y a une rumeur qui annonçait que Victoria et David Beckham allaient divorcer. Oui. Ouais. Et Victoria a dit dans une interview que tout allait bien dans leur couple et qu'elle avait un mari incroyable. Oh, ouais. Bah tu vois, en plus il l'avait trompée, elle est restée. Hein. Il l'a trompé. Ah bah oui, il l'a trompé avec la nounou. Avec la nounou, ouais. Eh oui. Pop. Ah bah si, c'est vrai. Et Victoria l'a pardonné. C'est tout ce que t'as pour t'aller tromper avec la nounou. Oh là là. C'est tellement banal. Tu sais quoi ? Vous me faites de la peine parfois. Vous bloquez sur les trucs. Horrible. Bon, c'est trop en avance, Manu. Ou en retard. On a le temps pour une petite dernière info. Ouais. Qui n'a jamais rêvé d'adopter un pigeon ? Moi, ouais. Ah d'accord, ouais. Tout le monde. Okay. Ouais. Et ben, c'est pas grave parce que ça va changer. Ah. Grâce à une nouvelle application, vous allez bientôt pouvoir adopter un pigeon. Ouais. On pourra lui donner un nom. Oui. Le pigeon aura une petite bague GPS qui permettra de le géolocaliser. Ah ouais. De voir le nombre de kilomètres parcourus, de voir ce que font d'autres pigeons et sur l'application discuter entre personnes qui auront fait la même chose. Ah, ouais. Ah mais moi j'aime bien ce concept. Oui, mais quel intérêt, il vient jamais te visiter le pigeon. Ouais. Ah non, il peut être n'importe où. Il faut qu'il soit libre. Mais c'est ton pigeon, tu lui donnes un nom okay. Et grâce à l'application tu vois où il est à chaque instant et ce qu'il fait. Et tu peux parler avec des gens. Ouais. Ah c'est bien. Ouais. Mais moi je vous avais dit que j'adorais les pigeons, mais le seul jour où je l'ai dit dans la rue, ils m'ont fait dessus. Bah c'est que ça veut dire que toi tu les aimes mais eux moyens. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est pas réciproque. Voilà, tout simplement. Donc l'application elle va bientôt sortir. Ouais. Si ça vous intéresse, ben voilà, si t'as pas d'amis comme ça. Je me mets dessus. Tu pourras aller discuter. Ah, salut Roger, c'est rigolo, mon pigeon vient de faire caca sur le tien. Ça va être drôle. Allez, on revient tout de suite avec Maître Gims et Vianney et Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. À tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Coucou les Wawa. Salut les Wawa. C'est Manu dans le 6-9. Keep us apart. My body gotta be where you are. You are. I say nothing's gonna keep us apart. Oh, listen to my body, baby, ain't nobody gonna keep us apart. You know I'm up, always said it's all us, but I really meant it, baby. I was so basic, I was so naked, lying in my bed again. But I told you no more, always said it's all us, but I really meant it, baby. But I really meant it, baby. But I guess nothing's gonna keep us apart. Keep us apart. Keep us apart. so naked, lying in my bed again. Gonna tell you no more, but we said it's all us. We really meant it, baby. But I really meant it, baby. But I guess not those gonna keep us apart. My body gotta be where you are, you are. I say not those gonna keep us apart. Well, listen to my body, baby. Nobody gonna keep us apart. Je mets pas de crème hydratante. J'écoute Manu une heure et hop, ma peau est parfaite. Manu, c'est mieux qu'un masque au concombre. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du concombre. C'est pas une vanne. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je ne sais pas c'est pourquoi. C'est-à-dire que bah, le mec qui s'occupe des journées mondiales n'avait plus d'idée. Donc, vas-y, qui tu manges un concombre avec un journée mondiale. C'est parti. Tal sera avec nous tout à l'heure, les amis, à partir de 8h30. Tal va passer une heure avec nous. Et avant la fin de l'émission, avant 9h30, nous allons réaliser un live avec Tal. Elle va chanter son dernier hit mondial, mais d'une façon, comment dire, pas commune, impossible. Ah ouais, c'est qu'en fait, elle ne va pas réussir à terminer son titre. Voilà. Je vous l'annonce. Hein, ça me semble défaitiste. Je suis pas défaitiste, c'est réaliste. Nous avons fait des tests hier. Ouais, et nous allons à l'échec total. Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va chanter? Restez avec nous, ça va se passer tout à l'heure vers 9h. Ouais. Ce serait dommage de louper ça. En plus, ce sera en Facebook Live. Ouais. Comme ça, vraiment, ça va partir dans le monde entier après. C'est ça. Et on ne pourra plus l'arrêter. Hein, ça va se passer après, tout à l'heure. C'est incroyable. Voilà. Restez là, ce serait dommage de louper la fin de carrière de Tal. Ce sera tout à l'heure. Mais non. Ce sera à 9h15. Tout de suite, voici Georges. Manu dans le 6-9. L'appel automatique de Georges. Avant d'écouter Maître Gims et Vianney, c'est parti. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle un petit peu partout en France aujourd'hui pour tester un nouveau système de détection de mensonges. Mmh. Ouais. Le premier détecteur de mensonges par téléphone. Ça ne marche pas et pourtant, les gens vont tenter. Écoutez bien. Allô. Bonjour. Bonjour, madame. Dans le cadre d'une expérience scientifique, nous testons un détecteur de mensonges téléphoniques. Avez-vous déjà volé de l'argent à quelqu'un de votre famille? 2 pièces de 5 francs en argent. C'est ce que je me rappelle. Après, je sais pas. Avez-vous déjà couché avec quelqu'un au travail? Soyez honnête, on sait bien que oui. J'étais en train de réfléchir, mais il y aurait pu et j'aurais dû, mais non. Avez-vous déjà tenté de vous faire une autofellation? Jamais. Non, je crois pas. Dites la vérité. Avez-vous déjà tenté de vous faire une autofellation? Oui, je crois quand j'étais gamin. Voulez-vous que vos réponses soient communiquées par email à votre femme? Non. Ah, écoutez, pas de commentaires, on va enchaîner avec la suite. Il reviendra très vite, le détecteur de mensonges de Georges. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Maître Gims et Vianney, tout de suite pour vous. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On est avec vous, comme chaque matin. La vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes changent, les sages, tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens confondent jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et se redit mille mains. On peut aimer Brel et Muggy, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Sur Énergie, il est 7h25, on va écouter Ed Sheeran dans un instant, du Rossi, Calvin Harris et Dua Lipa. On est toute cette semaine en public, en direct du Gros du Roi pour notre dernière semaine d'émission. Ouais. Et on a offert un paquet de semaines de vacances à un paquet d'entre vous, dont ce matin avec nous, Caroline et Kevin. Bonjour. Qui sont arrivés en couple. Ouais. Surprise à la fin de la semaine, on verra. Hein. Non, ah non. Oh, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça. D'expérience. C'est l'expérience qui part, ça va pas être facile. Lynn est là aussi. Bonjour. Vous avez gagné une semaine de vacances avec nous. Jusqu'à maintenant, ça fait deux jours, tout se passe bien. Impeccable. Super. Ok. Oh, bah, on y est pour rien, en tout cas, nous. Hein, parce que... Alors, Caroline et Kevin sont en couple. Mais attention, nous avons un souci. Kevin, tu ne le sais peut-être pas, mais Caroline nous a dit quelque chose. Et elle compte sur nous pour essayer de d'améliorer votre couple. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans. Oh, wow. Oui, c'est... Ah ouais. Là, on est dans la routine, là. Ouais. Ça fait 6 ans. Ah merde. J'ai essayé. Ça sortait du cœur, là. Ouais. C'est pas grave, Kevin. C'est pas grave. Non, mais t'inquiète pas, on va sortir. On va aller boire des verres après. Hein. Ouais, ouais, il faut. Sur l'échelle de 0 à 10, tu l'aimes comment maintenant, Kevin? Bah, elle est 10. Ah. Ah. Ouais. Mais il y a un souci. Ouais. Kevin, tu ne le sais peut-être pas, mais tu as fait une grosse bêtise. Ouais. Une grosse bêtise pour la Caroline. Bêtise du siècle. Oula. Et Caroline va le dire maintenant, non. Devant la France entière. Tu le dis? Allez, c'est parti. Vas-y. Donc en ce moment, la fashion mode de Kevin, c'est les chaussettes claquettes. Ah oui, Kevin, mais vas-y, les claquettes. Ah ouais. Avec des chaussettes. Ah oui. Là, c'est plus de la routine, là, c'est la fin, effectivement. Ouais, c'est la fin, ouais. C'est compliqué. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? Mais non, mais c'est juste, tu rentres du travail, t'enlèves tes chaussures, tu mets des claquettes. T'enlèves pas forcément tes chaussettes entre les deux, quoi. C'est la seule excuse que t'as. Ouais, j'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Les claquettes, elles sont quand même affreuses, quoi. Moi, je les ai vues aussi. Oula. Sont... Lynn, la meilleure amie de Caroline, qui vient d'arriver et qui s'en mêle aussi pour régler son compte, hein, Kevin. Ouais. Et c'est quoi, on est dans les anges de la télé-réalité? Tout est contre moi, en fait. Là. Le pauvre, hein. Non, mais contre toi, non, mais chaussettes claquettes, c'est vrai que c'est surprenant. Je me demande si Caroline n'a pas voulu gagner juste pour régler ses comptes C'est pour ça qu'elle m'a emmené, je crois. Et c'est ça. Et quand tu vas à la plage, chaussettes claquettes aussi ou pas? Ah, non, il ne l'a pas encore fait. Non. C'est que en rentrant du boulot. Ouais, voilà. Mais pourquoi, à la maison et tout, tranquille. Mais pourquoi tu rajoutes les claquettes? Tu peux rester en chaussettes. Ouais, mais le carrelage, il est un peu froid. Oh, c'est mignon. Il aime bien être... Donc, est-ce que la solution, ce ne serait pas de mettre du parquet chez vous? C'est possible, ouais. Ou de la moquette? Non, ça fait trop vieux, ça. Ah, c'est vrai que les chaussettes claquettes, ça fait jeune. Ça ira avec la moquette, hein, justement. Bon. On va suivre votre couple pendant toute la semaine, mais autant vous dire que personne n'y croit. Hein. Sur les sites de paris en ligne, votre cote est très très basse. Alors, Lynn est la meilleure amie de Caroline. Hein. Oui, oui. C'est bien ça. Alors, il paraît que tu as un éternuement assourdissant. Oui, bah, il y en a qui l'ont un peu entendu tout à l'heure aussi. Mais qu'est-ce qu'il a, ton éternuement ? Et très fort. Mais très fort comment, genre, par exemple ? Ah, bah, je crie. Je crie fort. Tu as déjà fait peur à des gens ? Ouais. On était en terrasse avec Caro et les bébés, ils ont pleuré à côté. Ils ont pas trop kiffé. Non. En fait. Oh, mais non. Tu fais pleurer les bébés. Bah, je sais pas, ils ont dû croire que c'était une bombe ou j'en sais rien, mais ils ont pas kiffé. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Ah oui, c'est effectivement, il y a un souci. D'accord. Et c'est quand tu éternues ? Ouais. D'accord. On va couper la clim. Voilà, ça va arranger tout le monde. Ouais. Vous avez une semaine de vacances avec nous, les amis. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Et vous serez avec nous sur le catamaran ce soir. Ouais. Car je vous rappelle que ce soir, ce sera en direct sur Facebook Live. On va faire un Facebook Live, ce sera aux alentours de 20h. Dadju va nous proposer un concert ultra privé au milieu de la mer. Génial. Nous serons tous ensemble sur un catamaran au milieu de la mer. Dadju va arriver. Et il va faire un concert. C'est génial. En plus, on sera en train de manger, on pourra manger vers. Ouais, c'est sympa. C'est pas un film, on va danser quand même. Bon, évidemment qu'on va danser. Ah, oh, oui. Comment elle me chauffe, elle. Ce sera en Facebook Live, on vous fera vivre ça tout à l'heure. On vient tout de suite sur Energy. On est très en retard, il est 7h29. Ouais. Autant dire que les infos de 7h30 vont arriver vers 8h10. On va s'écouter Ed Sheeran aussi, à tout de suite. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Energy. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici, ici, ici, c'est Énergie. Énergie. Hit Music Only. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée, puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non ? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, et ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama. Offerte la première année, non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand Kill. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Énergie. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Les vacances approchent, vous allez bientôt pouvoir tout oublier. Tout, sauf la sécurité. Heureusement, Feu Vert et Michelin vous accompagnent dans les moments qui comptent. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin, jusqu'à 80 euros offerts. Oui, 80 euros. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter. En seconde, pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Transporter jusqu'à 17 mètres cubes de marchandises et manœuvrer sans stress. C'est le savoir-faire du Peugeot Boxer avec son grand volume de chargement et sa caméra de recul. En plus d'être robuste, il est aussi très habile à vos côtés. En ce moment, le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189 euros hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 2640 euros hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h33, oui, nous sommes un petit peu en retard, mais c'est pas grave, on n'a pas fait de croche-patte une vieille dame dans la rue, donc c'est pas grave. On va écouter Calvin Harris et Dua Lipa, et on joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. On va jouer juste après Calvin Harris. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix et l'écran télé qui va avec. Ouais. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du grand beau temps au programme cette semaine encore. Ça ne bouge pas dans le ciel. Le soleil est au rendez-vous ce lundi. Aucun nuage en vue. Et ce sera le cas d'ailleurs pendant les prochains jours avec des températures de plus en plus chaudes. Ce matin, il fait de 13 à 21 degrés du nord au sud. Et puis cet après-midi, on aura 23 à Metz, 26 à Aurillac et à Rennes. Comptez 27 à Bandol, jusqu'à 29 pour Albi. À nous de changer les choses. Selon un rapport international ce matin, 4 cancers sur 10 sont évitables en France à l'heure actuelle. À lui tout seul, le tabac est à l'origine de 20% des nouveaux cas chaque année. C'est de loin le facteur de risque le plus important. Mais il y a aussi l'alcool, l'alimentation trop riche ou encore le manque de sport. 10 arrestations hier un petit peu partout en France. Ce week-end, en tout cas, 10 personnes issues de l'ultra-droite qui ont été interpellées. Elles seraient à l'origine d'un commando d'attentats contre des musulmans. En tout cas, c'est en préparation. Le chef présumé de la cellule, un policier à la retraite vivrait en Charente-Maritime. Allez, on pense à tous les élèves de terminale qui passent encore quelques épreuves du bac aujourd'hui. C'est la dernière journée, la dernière ligne droite. Les ES font la fête depuis vendredi. Les L et S vont devoir attendre encore un petit peu pour souffler. Encore quelques options au choix, les arts, les ciné, les sciences de l'ingénieur plutôt, ou encore la SVT. Les corrigés, comme d'habitude, seront disponibles toute la journée sur energie.fr. Résultat connu le 6 juillet, résultat officiel. Ils sont 6 pays déjà qualifiés pour les 8e de finale avant même le début de la 3e et dernière journée de la phase de poule. La France en fait partie bien sûr. Suite de la Coupe du Monde de foot en Russie ce soir, le Portugal et l'Espagne tenteront de décrocher leurs billets respectivement face à l'Iran et le Maroc. Coup d'envoi à 20h en simultané. Il revient en très grande forme après une longue pause loin de la scène et des studios. Kenji prépare l'arrivée de son 3e album pour la rentrée. Il nous donne un petit avant-goût avec le single Maria Maria, déjà sacrée chanson de l'année par le public. Et pour le clip, le chanteur est allé tourner à Dubaï et dans les paysages glacés d'Estonie où il a exploré la carcasse d'un avion et côtoyé une meute de loups. Ouais, c'est particulier, mais moi j'aime bien, moi j'adore les loups, depuis tout petit. J'ai toujours rêvé d'en voir, d'en toucher aussi proche. C'est costaud quand même un loup, je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Et en fait, pour le faire venir sur moi, j'ai donné une petite astuce, ouais, j'ai gardé quelques petites croquettes pour qu'il vienne. Si t'es stressé, c'est là que l'animal, tu le stresses aussi. Si t'es détente avec lui, que tu es vrai avec lui, il va rester vrai avec toi. L'avion, il était déjà là. C'était un crash qui s'est passé il y a 5 ans en arrière, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est très spécial, oui, parce qu'il y a encore des valises et tout. Il y avait, ben en fait, ils ont tout laissé intact. Ça rendait curieux, t'avais envie de fouiller, mais voilà que tu tombes sur quelque chose. J'ai pas trop voulu... Ouais, interview signée Morgan Barthélémy, Kenji qui s'est lâché pour le clip de Maria Maria avec une version de 10 minutes à découvrir évidemment sur energie.fr ce matin. Il est 7h36, effectivement on est un petit peu en retard. Manu, bon réveil, bonne journée sur Energie. Oh c'est beau. Le jury de The Voice a été se pendre, mais c'est bien tenté. Mais oui. Nous sommes en direct en public, vous pouvez applaudir, vous pouvez faire du bruit. Ouais. On est au Gros du Roi toute cette semaine, chaque matin, on a 300 places pour vous. Vous êtes 300 ce matin, vous êtes réveillés tôt, alors merci à vous déjà cool de vous être réveillés. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous voir, il suffit d'aller sur manudansle69.com pour vous inscrire. Toute cette semaine, on est au Gros du Roi, c'est pas loin de Nîmes, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas très loin de Marseille non plus, c'est pas hyper loin de Berlin. Non, c'est vrai. Vous êtes à Los Angeles, un coup d'avion et vous venez nous voir. Ouais. Los Angeles, Gros du Roi, excusez-moi, je préfère être là. Ça se fait. Alors, c'est clair. On vous offre le petit déjeuner. Ah oui, évidemment. Et alors, ça, c'est sympa. Vous pouvez ne pas nous blairer, mais manger bien. Ça vaut le coup de venir. C'est lundi, ça veut dire que c'est les lundis de la win. Dès que vous nous appelez au 0870 42 48, vous repartez avec un cadeau. Aujourd'hui, c'est très simple. C'est le kit de l'été Manu dans le 6-9. Yes. On vous l'offre. Je vous rappelle qu'il y a dedans le t-shirt Manu dans le 6-9, les tongs Manu dans le 6-9, la gourde Manu dans le 6-9. Ah. C'est important si vous partez En randonnée. Exactement. Ouais. Ça sert toujours. Le mug, le tote bag, l'enceinte Bluetooth étanche, le tablier de cuisine, les préservatifs, l'autocollant Wawa à bord à mettre sur votre voiture, l'ouvre-bouteille des capsuleurs et la batterie de secours de téléphone. Il y a quand même beaucoup de choses pour l'apéro. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça commence à se voir qu'on aime picoler. On va jouer au jeu des 5 mots, les amis. C'est dans 3 minutes, juste après Calvin Harris et Dua Lipa. Vous nous appelez au 0870 42 48. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix et l'écran télé qui va avec. C'est trop bien. Yes. Avant ça, j'ai trouvé sur le site Reddit, j'adore ce site, si vous ne connaissez pas, vous pouvez y aller. Le site Reddit, c'est en gros, il y a des tonnes et des tonnes de questions. Par exemple, vous ne savez pas comment glander au boulot, vous allez sur Reddit, re2dit.com et vous passez votre journée comme en vacances. C'est cool. Il y a une question qui a été posée qui est, quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains? Écoutez quelques réponses. J'ai conduit l'Aston Martin de James Bond, estimé à plusieurs millions d'euros. Et c'est incroyable, quel honneur. Je ne sais pas, là, j'ai on pas arrêté. Pas, on avec pas. Les gadgets. Ensuite, une épée de l'époque médiévale qui vaut 250 000 euros. Ah ouais? Ah bon? Ben ouais. Là, je ne sais pas pourquoi il l'avait dans les mains. Ouais, faut pas s'en servir, quoi. C'est ça. Bonjour, je suis serial killer. quelqu'un qui a eu entre les mains 825 000 euros de diamants. Ouais. Ça m'a toujours stressé, ça. Oui, ouais, t'as peur de les. Ouais, j'ai peur de les casser. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est l'excuse que je donne à ma femme, en tout cas. quelqu'un a eu entre les mains aussi une Rolex de 2000 euros. C'est pas mal, c'est cool. C'est la classe. Ouah. Sinon, j'ai une flic-flac, mais. Ouais, oui. quelqu'un a eu un violon ayant appartenu à Beethoven, estimé à 1 million d'euros. Ah ouais. Wow. C'est pas mal, ça, c'est la force. Classe. Ah ouais. Oui, mais je vois pas pourquoi il coûte 1 million d'euros. Bah, c'est Beethoven, quoi. Oui, mais enfin, il joue pas avec maintenant. Ah, bah, c'est un des collections. Bah, qui viennent me montrer comment il joue maintenant, Beethoven. Et là, je verrai s'il vaut 1 million d'euros. Oh là là. Ok, on peut jouer aux osselets, mais au violon, non. Donc voilà. un autre. Je travaille à la banque, j'ai déjà eu plusieurs fois des millions dans les mains. Ouais. Ah, ça va être rageant, ça. Ça va être frustrant, quoi. Ouais, c'est tentant, quoi. Ouais, c'est ouais. Tu te dis, allez, 50. Allez. Mais non, ça ne se fait pas. Non, non. Alors, non, ça ne se fait pas. C'est ouais. Illégal. Voilà. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains? Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Nico? Moi, je suis hyper fier. C'est une des guitares de Mick Jagger, quand même. Quoi? Parce qu'à une époque, je t'avais déjà raconté que j'avais joué de la guitare avec sa fille. Avec la fille. Avec la fille de Mick Jagger. Nico Duweb a joué de la guitare à un moment avec la fille de Mick Jagger sur la plage. Mes parents habitent dans le sud de la France et lui, il a une maison juste à côté de celle de mes parents. Alors après, les parents de Nico ont un camping. Et deux voies de destin. Ouais, c'est leur maison, du coup, fait la taille à peu près du camping, quoi. Et du coup, je joue. C'est qu'en fait, Mick Jagger pourrait acheter le camping des parents de Nico pour en faire juste une piscine. Et du coup, j'avais rencontré donc sa fille Georgia à l'époque quand elle avait 13-14 ans. Et moi, je jouais de la guitare. Elle savait pas trop en jouer et elle m'avait demandé, du coup, de lui apprendre quelques bases. Et je lui avais appris Wonderwall, le truc classique. Mais c'est dingue. Mais sur la guitare de son père. Et du coup, je suis allé chez elle et elle m'a filé la guitare de son père juste pour que je lui montre un petit peu les accords. Et c'est un truc qui vaut à peu près 3000 euros. C'est une grosse guitare qui vaut bien cher. Mais celle de Mick Jagger, quoi, c'est inestimable. Ça vaut encore plus. Classe. Il a joué dessus, quoi. Les Rolling Stones, c'est trop bien. Ah, c'est Rolling Stones, Mick Jagger. Je savais pas. Je précise, au cas où. Alors honnêtement, sur la guitare de Mick Jagger et le violon de Beethoven, on ne sait pas. Ah bah si, moi je sais. Ah ouais. Ah bah la guitare de Mick Jagger. Mais oui. Moi, les deux, je trouve ça kiffant quand même. Ouais, bah tu joueras chez toi tranquille. Loin. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Attention, on joue au jeu des 5 mots dans 3 minutes. Une console de jeux vidéo à vous offrir à l'écran télé qui va avec. C'est juste après Calvin Harris et Dua Lipa. On est lundi, c'est le début de la semaine. On est ensemble sur Énergie. The way you move, the way you feel. il est 7h44. Nous sommes en direct et en public du Gros du Roi. Vous pouvez vous faire entendre. On est dans le sud de la France, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes. Manu dans le 6.com pour vous inscrire, pour venir avec nous. On est là jusqu'à vendredi. Et attention, voici le jeu des 5 mots. Avant de s'écouter le dernier Kenji, nous allons jouer ensemble avec Stéphanie. Salut Manu, salut les Wawa. Alors Stéphanie a un petit problème, c'est qu'elle répond en général avec 2 à 3 minutes de retard. Ça va bien Stéphanie? Ça va super, impeccable. J'ai pour toi la console de jeux vidéo de ton choix, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Génial, la Nintendo Switch. Eh bien la Nintendo Switch, elle arrive très vite pour toi super. Stéphanie, avec l'écran télé avec l'écran télé qui va avec, pardon. Si tu gagnes au jeu des 5 mots, attention, il va tout faire pour te faire gagner, c'est Glandu. Ouais, je suis bouillant. Super, allez. Glandu, je compte sur toi. Et t'inquiète, on y va. Alors, Glandu sort du studio. On va attendre, comme on est en public dans une grande salle, faut attendre qu'il sorte. Ok, il est parti, il est dehors. Ouais. Voici les règles du jeu des 5 mots, Stéphanie. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Glandu. Je fais pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Ok, Stéphanie? Eh ben, génial. Impeccable. Tu es prête? Je suis prête. Attention, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Aventure. Koh-Lanta. Bon. Photo. Photo, c'est ça? Photo. Souvenir. Indice. Joker. D'accord. Attente. Salle. Soleil. Mais arrêtez de... Été, ok. Attention Stéphanie, ça va pas être facile, autant te le dire tout de suite. Ouais, ça va être compliqué. Glandu, attention, Glandu est revenu. Stéphanie a été spéciale. Ah, spéciale, j'aime pas ça. Elle a été spéciale. Ah, non. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas possible. Je vais être spéciale. Non, Glandu, un mot en commun, Glandu. Un mot, c'est-à-dire que... Alors, on est connecté, Glandu. Là, elle te parle pas d'Irène, elle te supplie, en fait. C'est ça. Bon, c'est parti pour Stéphanie, pour la Nintendo Switch, et l'écran télé qui va avec. Glandu. Ouais. On y va. Ok. Aventure. Film. Elle avait dit Koh-Lanta. Ah ouais. Ouais. Là, j'aurais pas. J'avais dit qu'elle était spéciale. Ouais, Stéphanie. Non, okay. Ouais. Ouais, vas-y. On continue. Ouais. Photo. Caméra. Stéphanie avait dit souvenir. Ah ouais. Ah, ça passe aussi. Hein, il reste 3 mots. Allez. Il reste 3 mots, dont un seul vraiment que tu peux sauver. Ah, vraiment? Non. Non, je crois, il y en a qu'un. Non, c'est jouable. Ok. Pas le prochain, mais après, ouais. Ah, ok. Troisième mot. Indice. Non, je te le mets direct. Trottinette. Non. J'ai aucune chance. Vas-y. Indice. Énigme. Elle avait dit Joker. Ah ouais, énigme, punaise. Elle avait dit Joker, mais quand elle a dit Joker, c'était genre je passe quoi. Ouais, c'est ça. C'est la première fois, ça fait des années qu'on fait le jeu des 5 mots, première fois que quelqu'un dit Joker. Vas-y, les deux derniers là, ça va le faire. 2 mots, allez. Ouais. Attente. Salle. Je le savais. Oh, génial. Oh, punaise. Ah ouais, j'ai eu chaud. Ah oui, on te le confirme. Ah ouais. Il restait un mot. Soleil. Nuage. Elle avait dit été. Ouais. Non mais on avait tout mis sur attente, salle d'attente. Ok. Trop bien. Non vraiment, on aurait pu ne pas faire les autres mots. J'avais tout mis sur été quoi. Mais bon. Ah bah non, pas nous. Vous aviez pas mis sur été. Donc jusqu'au bout, Stéphanie, elle est vraiment dans une autre, dans un autre univers. Une autre dimension. Stéphanie, c'est génial, bravo trop à toi, la Nintendo Switch et l'écran télé qui va avec, ça arrive très vite pour génial. Toi. Oh génial, merci beaucoup, vous êtes géniaux, franchement je vous écoute tous les matins, voilà, vous êtes trop bien, rayon de soleil, dès que je monte au boulot, c'est génial, merci beaucoup, merci. Eh ben, rayon, Stéphanie, nous aussi on s'écoute tous les matins, mais on ressent pas la même chose. Des fois on s'auto-soule. On t'embrasse Stéphanie, gros bisous à toi, 7h49, on va s'écouter Kenji tout de suite, et juste après, on parle des choses les plus chères qu'on a eues dans les mains. Ouais. 0 870 42 48, vous venez avec nous comme chaque matin. C'est Malu dans le 6-9, c'est Énergie. Bon réveil. Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux yeux, ça vaut son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des comme des torticolis. Je vais entendre toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours voir le septième ciel. Dire ce que je sens, non ça vaut pas la peine. Elle me fait de scène, oui je pense au même. En filant tout j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle ne fait que son possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur, y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que Maria, tu me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame Maria, con tu cuerpo tú me curas. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y yo tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y yo tra, tra. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est bon, il a fini. Je ouais. laisse toujours finir Kenji à la fin. Il est un petit peu tendu, un petit peu énervé quand il chante. Ça se voit, 7h52, les amis, à 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Vita et Claudio Capeo. Il y aura aussi le dernier Ariana Grande. Avant ça, une simple question. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains? On a vu ça sur Internet tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a eu une épée de l'époque médiévale qui vaut 250 000 euros. Ouais. Quelqu'un a eu 825 000 euros de diamants dans les mains. Ouais. Quelqu'un a eu un violon qui a appartenu à Beethoven, estimé à 1 million d'euros. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, pour celui qui doit être vieux. C'est du vieux bois, ça doit pourrir comme le plancher. Je ne le connais pas bien. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Vendu? Moi, j'ai eu un maillot de Zidane qu'il a porté pendant la Coupe du Monde 98. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, wow. C'était le match France-Croatie, je crois. Parce qu'en fait, j'avais au collège, j'étais pote avec le fils du kiné de l'équipe de France. Ok. Et chez lui, il avait le maillot de Zidou et je l'ai eu. Ça vaut genre quasi 5000 euros. Hein, 5000 euros? Ouais, ça vaut 4-5000 euros, je crois. Ça a été vendu après. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est pas mal. Pas mal. C'est chaud. Ah ouais. Attends, moi, quand je vais à la salle de sport, ça vaut pas autant. Je vais juste transpirer dans un t-shirt, tu vois, je peux pas revendre. Oui. Bah, c'est chiant. Tu n'es pas Zidane pour en dire. C'est le problème. Oui. Sans te faire de peine. C'est ce que je me dis à chaque fois. Merde. On a Jessica avec nous au téléphone. Bonjour Jessica. Salut Manu, salut les Wawin. Bienvenue sur Énergie, Jessica. Quelle est la chose la plus chère que tu aies eue dans tes mains? Alors moi en fait c'est la voiture neuve de ma société qui valait 50 000 euros et qui avait 10 km au compteur. Donc wow. Quand je suis montée dans la première fois, je peux vous dire que je roulais doucement. Pourquoi c'est toi qui l'as conduite? Et ben en fait à la base j'avais un berlingot qui a eu malheureusement un petit accident contre un tram. Donc il a fallu une voiture de rechange. Ah oui. Ils ont pas peur dans la société. Oui c'est quoi. Ça, c'est-à-dire que tu ruines ouais, leur bagnole, ils t'en redonnent une autre de 50 000. C'est bizarre. Bah, apparemment, les crédits sont tendus, Jessica, là-dessus. Tout va bien. C'est bon. Et on rappelle que Jessica n'a pas son permis. Je viens de me rendre compte qu'ils sont au courant maintenant. Merci de nous avoir appelé, Jessica. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez eue dans les mains, Paulette? Ouais, moi j'étais hôtesse sur un salon et c'est moi qui apportais à table le caviar aux clients. Et ma patronne m'avait dit fais très attention parce que chaque pot de caviar vaut 1400 euros. Et il y avait 14 pots et j'en ai pas cassé un. Ah c'est bien. Elle est la meuf hyper contente. C'est Paulette, si elle était, comment dire, si elle était chirurgien, oui, elle oui. aurait fait, oh, il ça est va, j'ai pas merdé. Oh, j'ai pas tué celui-là. En toute décontraction. Et t'as goûté, t'as mis ton doigt dedans? Oh non, je suis non, pas ça ne se fait pas au restaurant quand. Si tu commandes un plat et que t'as le saveur qui fait. C'est bon, j'ai goûté là, ça. Ça ne se fait pas. Non, mais j'ai pas goûté parce que j'aime pas les œufs de limpe. Donc je me suis dit que ça ressemblait. D'accord, le reste, tu l'as goûté. D'accord. Natacha, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Natacha. Quelle est la chose la plus chère que tu aies eue d'entre les mains? Alors, moi, en fait, étant secrétaire pour une grosse entreprise, j'ai eu entre les mains le téléphone de mon patron qui vaut 7000 euros, en fait. Quoi? 7000 euros? C'est un Vertu Constellation. Ouais, je sais pas si vous connaissez. Alors, non, c'est étonnant, mais on ne connaît pas les téléphones qui valent 7000 euros. Ouais. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a de dingue, ce téléphone? Eh ben, franchement, enfin, moi, sur le coup, j'ai pas vu apparemment, voilà, que c'était un super téléphone, mais voilà, quand j'ai vu la marque, tout ça, j'ai dit, oulala. Mais qu'est-ce qu'il a? Voilà. Il fait quoi de plus que les autres? Eh ben, je sais pas, peut-être des meilleures photos, ou peut-être, plusieurs applications. Ouais. C'est quand même con, parce que tout ça pour jouer en fait aux toilettes sur Candy Crush, ça fait cher quand même le Candy Crush. Ah bah ça fait mal. C'est que tu l'as, c'est cool, tu le dis à tes potes, mais ça fait cher, quoi. Ça fait cher le game over. Ouais, c'est ça. C'est pas... mais tu ne sais pas pourquoi il vaut 7000 euros ce téléphone? Ah non, en soi, franchement, je sais pas, mais déjà, je tremblais un peu en ayant dans les mains. Je me dis, si je le fais tomber, si je dois lui rembourser, c'est un peu. Voilà. Natacha, reviens nous voir quand t'as plus d'indices. Parce que pour l'instant, plus Edo, t'es nul. Merci de nous avoir appelé, Natacha. Reviens tout de suite, il est 7h56. On va s'écouter Vita et Claudio Capéo. Il y aura aussi Ariane la grande D et on double votre salaire, c'est dans moins de 10 minutes, c'est à 8h05, à tout de suite. Manu dans le 6-9. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Discount avec la phrase énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est énergie. Surtout retenez la pire. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Doise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy Taille M Business avec navigation connectée 3D et aide au stationnement arrière est à partir de 189 euros par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 3155 euros, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Préparez-vous à profiter des soldes comme jamais dans votre magasin géant. Aujourd'hui et demain, pour tout passage en caisse, recevez un bon d'achat de 15 euros à utiliser mercredi pour le premier jour des soldes avant 9h30 et après 18h. Une raison de plus pour profiter des bonnes affaires géantes de votre géant. Les prix bas, c'est... Géant ! Bon d'achat valable mercredi 27 juin des 75 euros d'achat. Un seul bon par passage en caisse. Offre valable dans les magasins participants. Date des soldes selon décret. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre collègue vous accompagne au bureau avec sa sublime Peugeot 208 avec écran tactile et caméra de recul, vous lui proposez de faire vous-même la manœuvre pour la garer sur son emplacement de parking réservé. En ce moment, la Peugeot 208 style suréquipée est à partir de 109 euros par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1550 euros, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Pays Catalans. Les vignerons catalans, une union des principales caves coopératives du Roussillon, produisent une vingtaine de vins différents. Ils sont notamment réputés pour leur Côte du Roussillon Village, issu de 4 cépages. Des vins qui ont du corps dès leur prime jeunesse pour les amateurs de vins tanniques et épicés. Un peu comme moi d'ailleurs, jeune et bien charpenté. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Hier, j'étais dans la mer et j'avais même pas pied. Moi, je m'en fiche parce que je nage toute seule et sans brassard. Et ben moi aussi. Et même qu'avec mon papa, une fois, on a nagé même quand il y avait le drapeau rouge. Et si nous transmettions la bonne attitude, à la plage aussi, les consignes de sécurité se respectent. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 16 juin au 7 juillet, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Dans une demi-heure normalement, si elle s'est réveillée, Tal sera avec nous pendant une heure et elle va chanter son dernier hit mondial en live dans situation totalement improbable. Ouais. On va vous expliquer ça tout à l'heure quand elle va arriver. Soyez les bienvenus. On double votre salaire dans 5 minutes. On va s'écouter Z avec The Middle et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours aucune ombre au tableau, le soleil brille ce lundi sur la France. Ça va d'ailleurs continuer toute la semaine avec du grand beau temps, du grand ciel bleu à perte de vue. Et il va faire chaud dans les prochains jours. Ce matin, on passe de 13 à 21 degrés du nord au sud. Cet après-midi, il fera 25 à Dijon, 26 à Laval, 27 à Toulon, jusqu'à 29 pour Montauban. Un dernier effort, le bac continue aujourd'hui pour une partie des 750 000 élèves de terminale. C'est fini pour les ES, en revanche il reste des options à passer pour les L et les S. Au choix, les arts, le grec, le latin ou encore les sciences de l'ingénieur. Et les vacances, ce sera donc pour ce soir en attendant les résultats officiels le 6 juillet. Dans l'actu également, une question de santé publique. Selon un rapport dévoilé aujourd'hui, 4 cancers sur 10 en France pourraient être évités. De nouveaux cas dus aux mauvaises habitudes comme l'alcool, le tabac mais aussi l'alimentation trop riche ou sucrée ou encore le manque de sport. La cigarette est à l'origine à elle toute seule de 20% des cancers chaque année. Des arrestations dans le milieu de l'ultra-droite en France. Au total, 10 personnes ont été interpellées ce week-end dans plusieurs régions et notamment en Corse. La police les soupçonne de préparer un attentat contre des musulmans. Le chef du réseau vivrait en Charente-Maritime. Du foot encore aujourd'hui avec le début de la troisième et dernière journée de la phase de poule de la Coupe du Monde. On a 6 pays dont la France qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Angleterre fait partie du groupe depuis hier et sa victoire 6-1 contre le Panama. Verdict ce soir pour deux autres grand favori, le Portugal et l'Espagne affrontent respectivement l'Iran et le Maroc à 20h en simultané. Du basket avec la Jeep Elite, le championnat de France. Cette année, c'est Le Mans qui a soulevé le trophée. Les Manceaux, pas franchement favoris, ont réussi à s'imposer hier dans la salle de Monaco au terme d'un match 5 dans une ambiance irrespirable. C'est le 5e titre de l'histoire du club sartois. La F1 avec une belle fête dans le Var pour le Grand Prix de France ce week-end. Lewis Hamilton a remporté la course au Castellet hier, juste avant un concert de David Guetta. En revanche, les spectateurs ont une nouvelle fois galéré pour sortir du circuit. C'était toujours complètement bouché sur la route et les parkings à 23h. Un point à améliorer absolument pour l'année prochaine. Un retour en vue, celui d'Adèle. Selon la presse britannique, la chanteuse vient de rencontrer sa maison de disques pour mettre au point un calendrier secret de création. Elle devrait passer tout l'été à écrire son premier album depuis 3 ans. Sortie prévue sans doute pour Noël 2019. Adèle, 30 ans, maman d'un petit garçon, se consacre à sa vie perso depuis la fin de sa dernière tournée. Et puis la légende continue, le pistolet laser d'Han Solo dans Le Retour du Jedi est parti à 550 000 dollars hier lors d'une vente aux enchères à New York. Il y avait aussi une quarantaine d'autres objets issus de la saga, des accessoires, des éléments de décor de la galaxie Star Wars, une hache Ewok, un sabre laser et même les plans du célèbre vaisseau de Jabba le Hutt. 8h03, c'est la fin de ce flash. Lundi 25 juin, vous retrouvez Manu dans le 6-9 en vacances cette semaine, ou tout du moins plus tôt. Nous sommes en direct du Gros du Roi et en public, plus de 300 personnes sont venues ce matin. Si vous voulez venir vous aussi, si vous voulez vous réveiller tôt, quelle joie de se lever à 4h30, on le sait. Ah bah oui. Tous les jours. Ouais. On a le petit déj qui est là pour vous aussi. Oui, oui. Vous pouvez ne pas nous aimer et avoir un petit déj quand même. C'est vrai. On vous offre le petit déj. Vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas. On est là jusqu'à vendredi. Il suffit d'aller sur manudansle69.com pour vous inscrire. Manudansle69.com, vous pouvez aussi vous inscrire pour qu'on double votre salaire. Et attention, mercredi, c'est dans 2 jours. Nous allons multiplier votre salaire par 10. Ça va se passer à 8h05. C'est à l'occasion de la sortie de Mission Impossible Fallout. Ça sort le 1er août, c'est le nouveau Mission Impossible. Ouais. Nous avons multiplié votre salaire par 10. Nous avons appelé ça le salaire impossible. Ouais. Le salaire impossible qui sera possible. Hey. Il suffit de vous inscrire. Manu dans le 69.com, energie.fr ou sur l'application Manu dans le 69. Ça prend quelques secondes. Il n'y a rien à faire de spécial. Ouais. Vous vous inscrivez comme d'habitude. Et si vous êtes tiré au sort mercredi à 8h05, eh ben, on vous appellera pour le multiplier par 10, votre salaire. Génial. Wow. Ça va se passer dans 2 jours. C'est mercredi. Vita et Claudio Capéo arrivent pour vous dans 2 minutes. Juste après, c'est les concours du jour. Mais avant ça, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Attention, nous allons appeler Benoît. Il habite Cardé, c'est dans le Gard. Il a 26 ans et il touche chaque mois 1444 euros. Benoît de Cardé dans le Gard, nous t'appelons pour te faire ta journée. Attention. Allô? Allô, Benoît? Oui. Benoît de Cardé dans le Gard? Oui, c'est bien ça. C'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Tu ne mens pas. Tu n'as pas pris une voix pour faire croire que c'est toi, Benoît de Cardé dans le Gard. Ah si, allez, je vais dire, j'ai menti. Non, je rigole. Je l'ai senti. C'est sa femme au téléphone. Benoît, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Bravo. Ah ouais. J'y crois pas. Eh ben, si tu peux y croire, Benoît, je vais te doubler ton salaire. 1444 euros x 2, c'est 2888 euros pour toi. Oh putain, j'y crois pas. Oh merci. Ah, tu peux m'appeler comme ça, sinon Manu, c'est bien aussi. Manu, moi, oui. Moi, c'est moi gênant. Benoît, tu es ébéniste. Oui. Ébéniste, c'est le bois. Tu travailles le bois. Oui, je travaille le bois, oui, bien sûr. Tu fais des meubles. Oui. Ok, apparemment c'est top secret. Ok, là on a touché un point chaud, c'est gênant. T'as déjà fait le fameux tire-bouchon en bois, le tire-bouchon zizi? C'est moi. Ah non, pas attends, encore, non. Aujourd'hui, ouais. T'es à un dîner, il y a plein de gens, il y a un ébéniste. Oui. Vraiment, au dîner devant 10 personnes, la seule question que tu vas poser à l'ébéniste, c'est est-ce que t'as déjà fait un tire-bouchon zizi en bois? Bah, moi c'est mon souvenir préféré, je le rapporte toujours à mes potes. Du coup, si j'ai un ébéniste sous la main qui peut m'en faire, c'est nickel. D'accord. J'en fais d'avance. Donc ouais. T'es à un dîner, t'as toujours un petit peu de bois sur toi. Et tu le donnes à l'ébéniste. Est-ce que tu peux me faire un tire-bouchon zizi, s'il te plaît? Non, mais c'est stylé, t'as à faire ça quand même. T'as des cadeaux assurés, quoi, pour toute l'année. Ah. Ouais. Oui, c'est bien, oui. Quand t'es ébéniste, tu fais des tire-bouchons en zizi, tu l'offres aux gens. Ouais, c'est pas. Tiens, maman. C'est une bonne idée. Quelqu'un d'autre a une question sur un tire-bouchon en zizi qu'on le fasse tous d'un coup? Non, mais moi je voulais savoir s'il ressentait quelque chose de fort quand il sculpte le bois. De fort, c'est-à-dire? Oui, bah, la connexion avec le bois. Ok, alors tous les deux vous me fatiguez. Ouais, je préférais ma question. Tu sais quoi, moi aussi, j'en suis à préférer la question de Glandu. Je te dis. Bon, on va quand même demander à Benoît. Bah oui, mais non, Benoît a raccroché, on l'a saoulé. Non, je suis là toujours. Tu ressens quelque chose quand tu sculptes le bois? Du plaisir. Je fais vraiment le vide. Voilà. Je... Non, mais là on parle pas du tire-bouchon zizi, là on parle de. Non. Benoît, on te double ton salaire. 2888 euros, ça arrive très vite pour toi. Ah, c'est super, vous êtes vraiment géniaux et tout. C'est vraiment super, franchement, c'est génial. Bah, tu mets-toi là, 2888 euros. On fait une belle journée, Benoît, bravo à toi. Ça peut vous arriver, vous aussi. Il suffit de vous inscrire à energie.fr, manudans69.com ou l'application manudans69. Et on vous rappelle que mercredi à 8h05, si on vous appelle, si vous êtes sélectionné, ce ne sera pas pour doubler votre salaire, pour le multiplier par 10. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à mercredi. Vita et Claudio Capéo tout de suite. Et juste après, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables pour se dire que oui, il y a pire que nous dans le monde. Il y a pire que vouloir un tire-bouchon en zizi quand on a un ébéniste au téléphone. La preuve dans 3 minutes sur l'énergie. On se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. Je veux déployer mes ailes, m'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Accordez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi de pas penser lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Bienvenue sur Énergie, il est 8h11, on va écouter Ariana Grande dans un instant et dans une petite vingtaine de minutes, il y a Tal qui va arriver. Yes. Qui est déjà arrivée, je crois. Ouais. Oui, elle est là. Elle est derrière et elle est... Elle fait des photos. Non, elle cuve de sa soirée hier. Oh non. Vous connaissez pas les problèmes d'alcool de Tal? Arrête. Mais attends, mais c'est mondialement connu, quoi. Ouais. Tous les artistes vous le diront, tous les gens qui ont croisé Tal. Avant, elle était bien, mais maintenant, c'est n'importe quoi. Ah, elle boit. Elle va voir tout à l'heure. Ah non, elle est par terre. Elle est par terre. Hein. Ah non. Voilà, bon, on va essayer de la remettre en état. Elle sera avec nous tout à l'heure à partir de 8h30 pendant une heure. Et attention, elle va chanter son dernier hit mondial dans une situation totalement improbable. Ouais. Ouais. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure dans une petite vingtaine de minutes. Avant ça, les amis, voici, à propos de gens improbables, la crème de la crème des gens improbables. Yes. C'est les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. On part aux États-Unis. Un homme braque un magasin de bon matin et découvre qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse. Parce que évidemment, c'est très tôt le matin et il n'y a pas eu beaucoup de clients. Du coup, il dit au vendeur, écoutez, je vais attendre dans la voiture dehors que des clients viennent pour prendre plus d'argent après. Ah. Ce qui est absurde. Bah oui, ça n'a pas de sens. Bah donc le mec à la caisse, il dit d'accord. L'autre va dans sa voiture en attendant et ben le caissier appelle la police qui vient récupérer le vendeur. Enfin, qui vient récupérer le voleur. C'est simple comme enquête. Ouais, mais pourtant le plan était génial. Quoi. Ouais. Vraiment... Je suis là. Restons aux États-Unis. Un homme avait vandalisé 40 maisons en taguant dessus. Il a été arrêté parce qu'en fait le tag c'était le prénom et le nom de son ex-copine qui venait de le quitter. Ah. Il l'avait très mal vécu et en plus il rajoutait le poids de la nana. Non. Quelle horreur. C'est pas sympa. C'est pas très joli. Alors, la police a retrouvé, évidemment, son ex, puisqu'il y avait le nom et le prénom. L'ex, un peu fâché aussi, a balancé le mec, qui donc s'est fait arrêter. Un peu rancunier, quand même. Un petit peu. Sur la rupture, effectivement. Il le vit mal. Ouais. Dernier concours du jour, nous allons en France, les amis, dans le Calvados. Un homme, pendant des mois, a drogué sa femme en mettant des gouttes dans sa nourriture pour une raison totalement improbable. Ouais. La faire dormir pour pouvoir regarder tranquillement son film préféré, Dirty Dancing. Oh. Mais non. Tous les soirs, non. Il endormait sa femme en la droguant pour juste voir Dirty Dancing. Mais c'est un film normalement que les filles aiment bien voir. Lui, il voulait le voir tout seul. Ah ouais. Alors elle a fini par s'en rendre compte au bout d'un moment. Elle a demandé le divorce. Normal. Rancunier aussi quand même. Elle a porté plainte et le mec a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Compliqué quand même en prison d'assumer ce truc-là. Ouais. J'ai drogué ma femme, mais pourquoi? Pour regarder Dirty Dancing. Ok, je vais pas avec toi en cellule. Allez, on revient tout de suite sur Énergie. On va écouter le dernier Ariana Grande. Tal est avec nous dans un quart d'heure. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30. Sur Énergie. Music version of myself. 'Cause now all I want is to be a part of my new world. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel. Salut, c'est Audrey Lamy. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et Audrey Lamy, elle est ce soir à la télé sur France 3. Elle joue Pauline Détective. Ah, elle vous raconte l'histoire. Ouais. Pauline se laisse entraîner par sa sœur dans un palace. Au lieu de savourer les joies du Farniente, elle se persuade qu'un crime a été commis dans l'hôtel et s'improvise détective, embarquant dans ses investigations un séduisant maître nageur. Oh. À quel moment ça arrive dans la vraie vie? Jamais. À quel moment t'es dans un palace, tu te dis tiens, il y a un crime qui a été commis, et là t'as un maître nageur qui passe. C'est bizarre. C'est impossible. Ouais, c'est ce soir sur France 3, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder pour savoir comment ils ont réussi à écrire un truc qui semble plausible. À 8h17, on va s'écouter Ariana Grande. Juste après, les amis, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages aussi que vous envoyez, les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du Web qui s'en occupe. Ouais, on a reçu le message de Morrison, un petit message vocal de Morrison à qui la vie a fait un gros bras d'honneur au McDo. Oh. Ils n'ont pas oublié les sauces, ils ont oublié pire. Et il ne pouvait pas s'en rendre compte avant, c'est compliqué pour lui là. Aïe. On écoute vos messages vocaux dans 3 minutes sur Énergie, juste après Ariana Grande. Turning up, yeah, we turning it up. Bienvenue sur Énergie, il est 8h20, on est toute cette semaine en direct du Gros du Roi, on est en public, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez dire au monde que vous êtes là. Ah ouais. Vous vous êtes levé très tôt ce matin en plus pour ça. Tous les matins. Vous pouvez être 300 chaque jour à venir nous voir. N'hésitez pas, on est au Gros du Roi, c'est pas loin de Nîmes, c'est pas loin de Montpellier. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous allez sur manudans69.com, vous pouvez venir à 2, à 4, à 6, à 8, à 12. Là, il n'y a qu'un groupe de 300 qui est pas loin. On va s'écouter Drake, il y aura aussi Kygo, et dans 10 minutes même pas, Tal sera avec nous, elle va passer une heure avec nous, et elle va chanter son hit mondial dans une position totalement improbable. Ce sera filmé parce qu'évidemment il faut que ça reste quand même gravé dans les annales de la radio. On va vous expliquer ce qui va se passer tout à l'heure. Avant ça, on lit les messages que vous nous envoyez sur Facebook, sur Twitter, et puis il y a aussi les messages vocaux que vous nous envoyez grâce à l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico du web qui écoute tout et qui partage tout avec nous. Vendredi, on a partagé nos moments où la vie nous a fait un bras d'honneur. Oui. Glandu par exemple, où toi t'es allé à la caisse d'un supermarché, tu t'es retrouvé derrière trois petits vieux qui ont chacun payé par chèque. Ouais, ils ont tous payé par chèque. Et donc du coup il est arrivé à la caisse à 10h, il a payé vers midi. Oui, c'est ça. Sur Facebook, il y a Romain qui dit ma tondeuse à barbe est tombée en rade de batterie à mi-chemin. Ah ça c'est con. Non. C'est très con, si tu dois aller bosser après quoi. C'est dur. Bah, c'est con, t'as la moitié de la barbe qui est faite et l'autre qui est pas. T'as un style hein. C'est un style pourri. Ça marche pas l'excuse. Non mais c'est un style. Non. Il y a Olivier aussi qui nous dit j'ai crevé de l'arrière en moto, je sors du garage, je crève de l'avant. Voilà. Ah, ça c'est Dieu qui te dit prends ta voiture. Tu cumules. Il y a Charlotte sur Twitter aussi qui nous dit les moments où la vie nous a fait un bras d'honneur, elle me dit je m'étais enfin motivé pour aller à la poste, arrivé devant, c'était exceptionnellement fermé. C'est compliqué ça. Ça en fout. La poste c'est j'ai l'impression que c'est tout le temps fermé en fait. Non mais même quand tu rentres dedans, des fois les guichets tu dis il y en a pas l'ouvert. C'est une blague. Ouais. Mais ils ont amélioré, maintenant ils ont mis des guichets automatiques. Du coup, ça va plus vite, quoi. Des guichets automatiques? Ouais, tu sais, tu peux tout faire avec un truc guichet. Ça s'appelle le McDo, tu confonds. C'est pour ça qu'il y a un Big Mac. Un autre moment aussi sur Facebook, il y a Céline qui dit le bouchon de ma bouteille de vin s'est cassé en l'ouvrant. Ça, c'est la lose. Ça, c'est chiant. C'est rageant. Tu sais que t'auras du coup du bouchon dedans. C'est chiant. Et il y a Vincent qui dit j'avais très soif et la languette de mon coca est restée dans la main. Oh, ça, c'est énervant. Ouais. Oui. Quand tu pètes la petite languette, là. Saloperie de vie. Parfois, la vie est une pute. Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte. C'est vrai. Y a Morrison qui a eu aussi un moment. La vie est une pute. Ouais. Au McDo. Et voilà, c'est assez horrible. Salut les Wouah. Alors, moi, ce que j'ai eu, je suis allé au McDo. Je me suis pris un cheeseburger. Et quand j'ai ouvert le cheeseburger, il n'y avait pas de steak haché dedans. C'est improbable, c'est chiant, ça ou pas? Non, mais qu'ils oublient la sauce. Ouais. Déjà, c'est pénible. Mais oublier le steak dans le tir, c'est le principe. C'est quoi. Que t'avais qu'un truc à faire. Mais... c'est dur. Bah oui, c'est quand même bizarre. Et tu peux pas y retourner en plus parce que c'est compliqué. On va dire non, vous avez bouffé le steak. Bah oui, évidemment. On va jamais te croire. Bah, ouais. Du coup, c'est un burger végétarien. On va pas au McDo pour bouffer un truc végétarien. Je n'ai rien contre les burgers végétariens, mais à ce moment-là, la prochaine fois que tu prends un truc vegan, je te rajoute du porc dedans. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas logique. Ouais. On le veut le steak. Mais oui. Alors merde. Bon, il y a d'autres messages vocaux qu'on a reçus sur notre application Mayon 69. Là, c'est un message qui ne sert à rien, mais il est rapide. Ben voilà, j'ai fait les courses. Salut. Ah oui, c'est rapide. La promesse est tenue, ça sert à rien et c'est rapide. Là, on a un coup de gueule maintenant d'un automobiliste. Ouais, Manu, petit coup de gueule contre les automobilistes. C'est pour les péages là. Est-ce que ça leur dirait pas de préparer leur monnaie ou leur carte bleue avant d'arriver au péage? Parce qu'à chaque fois je me retrouve derrière et je suis bloqué. Allez, bonne journée. Ok, c'est simple. Après, vous vous demandez pourquoi on fait la gueule en bagnole. C'est ça. Un petit dernier. Il y a les bleus qui jouent demain. Ah ouais, il y a une chanson. C'est les ouin-ouin de la radio sur Énergie. Avec Manu, on s'est fou ce qu'on s'amuse. Allez, les ouin-ouin. Alors, c'est bien parce qu'il y a deux choses. Aucune rime. Et à la fin, on est d'accord que le mec n'a plus de parole. C'est cool. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux. C'est sur l'application Manu dans le 6-9. On les écoute tous les matins. Tal arrive dans 5 minutes. Et tout de suite, c'est Kinvey sur Énergie. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. On démarre la journée ensemble. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec toi? qu'est-ce que je dois depuis des mois. Allez, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne-moi. Le fait révèle mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. Sur Énergie, il est 8h27, on va revenir dans 3 minutes. Tal va être notre invitée pendant une heure et elle va chanter son dernier hit mondial, une version unique. Ouais, ouais, ouais. Dire. Mais unique, et peut-être c'est la dernière fois qu'elle chantera ce hit. Elle est en train de faire des répétitions, apparemment ça se passe pas très bien. Donc ouais, bien. Ouais, ouais. Non, on est bien, on a eu une très très bonne vie, elle a accepté. Donc ouais. Du coup, on ne fera pas marche arrière. Cool. On va vous expliquer ce qu'on va faire d'ici quelques minutes. Tal sera avec nous pendant une heure et après, du coup, sa carrière va s'arrêter. Ouais. On va faire plein de choses cette semaine. Je vous rappelle qu'on est au Gros du Roi toute cette semaine. L'émission est en public, vous pouvez venir nous voir. Il suffit de vous inscrire sur manudance69.com. Ce soir, un concert privé de Dadju en pleine mer sur un catamaran. Ça, c'est fou. Ouais, on va vous faire vivre ça. Vous serez 50, vous avez été 50 à être tiré au sort. Vous allez vivre ça au milieu de la mer sur un catamaran. Et on fera un Facebook Live. Vous pourrez vivre ce moment totalement improbable. Trop bien. Ouais. Il y aura nous, un catamaran, la mer, les poissons et Dadju. Ouais, c'est bien. Ça. Le résumé est magnifique. C'est pas tout. Mercredi, nous allons faire un barbecue géant. Ouais, génial. Nous allons faire un barbecue géant dans les arènes de Nîmes. Oh, c'est avec Sommagique. J'ai dit Nîmes. Ouais, du Gros du Roi. Ouais. Alors on bouge tout, on va à Nîmes. Ah, ah, ouais, d'accord. C'est les arènes du Gros du Roi. Pour il y aura 150 personnes qui ont été tirées au sort aussi. On va vous faire vivre ça. On fera des Facebook Live. Ah, il y aura des jeux gonflables. Ah ouais. Trop bien. Ouh. C'est rigolo. On va s'amuser. Il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine. On revient tout de suite sur Énergie. On est en direct du Gros du Roi jusqu'à vendredi. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Plus gros hit à la maison. Baby, you look happier, you do. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, hit music only. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio à seulement 1 euro. Non mais 1 euro, le sachet d'emmental râpé bio au bon lait cru. Moi, j'hésite pas. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour et Carrefour Market, le sachet d'emmental râpé français Carrefour Bio est à seulement 1 euro. Carrefour. 100 grammes, certifié agriculture biologique, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Oh oui, des carottes. Bon allez Patrick, on y va. Encore une petite offre. Mais t'es complètement accro aux produits frais Netto. Non. Déjà avec les 5 arrivages par semaine, t'y passais du temps, maintenant t'y passes ta vie. Mais c'est pas de ma faute. Du 1er au 30 juin, c'est les jours fous de frais chez Netto, avec plein de promos délire. Netto, le discounter qui fait la différence. Détails des offres et conditions sur netto.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Énergie. Sans abonnement. Tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Drôme. Dans l'arrière-pays de Dieulefit, près de Montélimar, la maison Cavet affine depuis 3 générations ses picodons, un nom qui signifie petit fromage piquant en occitan. Si leurs picodons sont si bons, c'est aussi grâce à la qualité du lait des chèvres qui pâturent au grand air dans les montagnes. Feuilles d'aubépine et de noisetier, lavande, tilleul, les chèvres se régalent et forcément, nous aussi. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter. En seconde, pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand Kill. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool! Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Manu dans 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. On est là avec vous en direct, soyez les bienvenus sur Énergie. Il y a Tal qui va arriver dans un instant, on est en direct du Gros du Roi, on est en public. Soyez les bienvenus, on va écouter Drake, il y aura aussi Kygo, c'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du grand beau temps au programme cette semaine encore. Ça ne bouge pas dans le ciel. Le soleil est donc au rendez-vous ce lundi. Aucun nuage en vue. Et ce sera le cas d'ailleurs pendant les prochains jours avec des températures de plus en plus chaudes. Ce matin, il fait de 13 à 21 degrés du nord au sud. Et puis cet après-midi, on aura déjà 23 à Metz, 26 à Aurillac et à Rennes, 27 à Bandol, jusqu'à 29 pour Albi. On va dépasser les 30 degrés à partir de demain. Boire, fumer ou encore rester assis sans trop bouger, autant de mauvaises habitudes qui ont des conséquences sur la santé. Selon un rapport officiel ce matin, 4 cancers sur 10 sont évitables en France à l'heure actuelle. À lui tout seul, le tabac est à l'origine de 20% des nouveaux cas chaque année et c'est de loin le facteur de risque le plus important. Un coup de filet antiterroriste ce week-end en France. 10 personnes issues de l'ultra-droite ont été arrêtées dans plusieurs régions, notamment en Corse. Les suspects préparaient apparemment des attentats contre des musulmans. Le chef présumé de la cellule, un policier à la retraite, vivrait en Charente-Maritime. Allez, on pense à vous, vous qui passez votre dernière épreuve du bac aujourd'hui en terminale. Si les ES font la fête depuis déjà vendredi, les L et les S devront attendre encore ce soir pour souffler. Il leur reste des options avec au choix les arts, les sciences de l'ingénieur ou encore la SVT. Les corrigés, comme d'habitude, sont dispo toujours sur energie.fr dans la journée. Résultat connu officiellement le 6 juillet. La Coupe du Monde de foot, match décisif en vue cette semaine avec la troisième et dernière journée de la phase de poule. Tout le monde n'a pas la chance déjà d'être qualifié comme la France pour les huitièmes de finale. Le Portugal et l'Espagne tenteront donc de décrocher leur billet ce soir, respectivement face à l'Iran et le Maroc. Coup d'envoi à 20h en simultané. Il ne va pas beaucoup bronzer cet été. Kenji a du boulot en studio pour préparer son troisième album attendu à la rentrée. Il faut dire qu'il a eu le temps de recharger les batteries pendant sa longue pause de près d'un an. États-Unis, Dubaï, Fidji, il s'est offert un mini tour du monde et a aussi pris du temps pour sa famille dans la communauté des gens du voyage. Malgré le succès, impossible pour lui de lâcher son mode de vie et surtout sa caravane. Qu'est-ce que je retrouve que j'ai pas ailleurs? C'est ma famille, mes cousins, tu vois, le style de vie. Parce qu'on peut être dans une maison, même une belle maison, jolie, piscine et tout. Hein. Bon, voilà, le matin, on se lève toujours tout seul dans une caravane. C'est quand tu rouvres la porte, ouais, t'as les petits qui crient, t'as le cousin, t'as ta tante qui t'appelle de loin. C'est ça qui me manque un peu, trop de silence. C'est pas, j'aime pas trop, j'aime bien les rires, les cris, le bruit de la pluie qui tape sous le toit de la caravane. Ça, c'est la meilleure berceuse de la vie pour moi. C'est mon moment préféré. Limite, quand je suis dehors, même en pleine journée, quand je vois qu'il y a la pluie, j'ai envie de courir dans ma caravane et me mettre au lit, tu vois. C'est ma méditation, moi. Rester dans ma caravane quand il pleut. Voilà pour cette interview signée Morgan Barthélémy, Kenji, qui vient tout juste de dévoiler un second single. Ça s'appelle Pour oublier. L'album, lui, est attendu à la rentrée. 8h35, c'est la fin de ce flash. Très bon réveil. Bonne matinée. Lundi 25 juin sur Énergie, Manu est en vacances au Gros du Roi. Bonne journée, bonne semaine. Il est 8h36, on est avec vous comme chaque matin, on est en direct en public. Toute cette semaine, nous sommes en direct du Gros du Roi. C'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes. Si vous voulez venir nous voir, eh ben n'hésitez pas. Il suffit de vous inscrire sur manudans69.com. Et elle vient d'arriver. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Tal est avec nous. Salut. Alors, c'est totalement un hasard. Elle passe tous ses étés au Gros du Roi. Elle va peut-être se présenter à la mairie du Gros du Roi, tellement elle aime la ville. Absolument. Ouais. Pour arrêter sa carrière et devenir femme politique. Tal est avec nous ce matin. Ça va? Ça va et toi? Tu te remets de tes répétitions? Ouais, je suis un peu essoufflée, mais ça va. Petit à petit, on va vous dévoiler ce qui va se passer tout à l'heure. Ouais. Tal va chanter Mondial. Peut-être pas jusqu'à la fin. Ah. Oh. Tu penses que tu vas réussir à le chanter en entier? Ouais. Oh, wow. là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va chanter mondial comme jamais personne n'a chanté mondial, comme jamais personne n'a chanté d'ailleurs, je crois. Ouais. Je crois que c'est une première mondiale que tu vas faire tout à l'heure. Exactement. Et peut-être qu'on va te perdre au milieu de la mer, mais ça. Non, parce que là, dans les répétitions, t'étais attaché. Ouais. Mais ouais. Tu seras pas attaché tout à l'heure. D'accord. On va enlever là. Bon, bah écoute, au pire, j'irai. Alors, on peut pas vous dire exactement ce qu'on va faire, on va vous le dire d'ici une petite vingtaine de minutes. Mais effectivement, il est possible que vers midi, vous voyez Tal au milieu de la mer en train de dériver. On peut pas vous en dire plus. Tal est avec nous. Si vous avez envie de lui parler, si vous avez envie de lui poser des questions, eh ben, n'hésitez pas. Vous nous appelez au 0870 42 48. Elle est là parce que déjà, bah, on l'aime. Bah ouais. Oui, c'est ça, déjà. Oh. Ouais. Quoi ? Bah t'es trop mignon, toi. Bah, je suis trop mignon. Bah ouais, t'es trop mignon. Je dévoile mes sentiments, tu sais. D'ailleurs, ce nez de clown, il est aussi un cœur qui bat. Ah, ouais, bon, ok. Bon, voilà, allez. Qu'est-ce que c'est fait ? L'album cartonne, il est sorti il y a pas beaucoup de temps. Ouais, il y a 2-3 semaines. Toi-même, t'es la première surprise. Ouais, vraiment, franchement, je suis choquée, je comprends pas. On est désolé pour toi. Mondial, elle va chanter tout à l'heure, vous le connaissez, il passe sur Énergie. J'allais dire en préparant l'émission, mais c'est faux. En écoutant la playlist Tal sur Spotify, on s'est aperçu simplement. Mais il y a un paquet de titres quand même. Ah ouais. Et ah ouais, tu te rends compte de tous les hits que t'as fait, quoi. C'est toi qui chante, hein. Je pensais pas du tout. Non, t'aimes bien ou pas? Bof. Ça va, écoute. C'est pas ouais, c'est pas ouf. Ma préférée, je crois que c'est ça. J'aime bien, hein. Ouais. Alors c'est bon, je prends le large, c'est exactement ce qui va se passer tout à l'heure. Je vais peut-être la chanter, tiens. À la fin, si t'as encore un peu d'air, ouais, tu pourras chanter Je prends le large. Oui, parce qu'attention, je n'ai pas d'air. C'est-à-dire que c'est un endroit où je m'étouffe, voilà, je vais mourir. Donc vous allez assister à ma mort, voilà, c'est super. Ce sera filmé, donc ça va faire un bon buzz. Ouais, tout à l'heure, Tal va chanter mondial. Effectivement, elle sera enfermée dans un endroit. On peut vous dire que c'est sur l'eau. Qu'effectivement, t'as une réserve d'oxygène qui est pas énorme. Ouais. Pas énorme, ouais. Et non, mais on sera à côté, nous. Hein. Ouais. On sera à côté, t'inquiète pas. Hein, ouais. Ah ouais. Pour te pousser. On vous explique ce qui va se passer tout à l'heure. Vers 9h15, ce sera en Facebook Live. Tal va chanter mondial comme personne n'a jamais chanté sur Terre. Ouais. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent. Vous voulez parler à Tal, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0870 42 48. On vous prend au téléphone juste après Drake. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. On est en direct du Gros du Roi toute la semaine. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, nice. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashes to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, no, ay. Someone watching this shit close, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. bad things. It's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and they wish on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and they wish on me. Sur Énergie, il est 8h43, c'est lundi, aujourd'hui on démarre la semaine ensemble, nous sommes en direct du Gros du Roi, nous sommes en public, ouais. Beaucoup de monde est venu, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous auto-applaudir, que vous êtes levé tôt ce matin, ah ouais. Vous n'êtes pas venu pour rien, croyez-moi, parce que Tal est avec nous ce matin, et d'ici une demi-heure, vers 9h15, nous allons tenter une expérience. Qui se soldera peut-être par le décès de Tal. On espère pas, quoi. Tal va chanter son dernier hit mondial dans une position totalement improbable. Ouais. Elle va être. On peut, c'est un peu chelou quand même ce que tu vas dire. On... Il y a un mec qui l'a fait. Ah, mais attends, tout ça sera filmé, donc les positions ensuite, position ce sera vu chelou. À la pause et tout. c'est impressionnant. Elle va être. On peut vous dire qu'elle va être coincée dans un endroit. Qu'elle va tourner dans tous les sens et qu'elle va tenter de chanter mondial. Voilà. Voilà. C'est et je vais y arriver. Mais évidemment, tu vas y arriver. Voilà, ouais. Et elle sera sur l'eau. Voilà. Loin. Seule au milieu de la mer. Bon, on vous en dit pas plus. Vous voulez poser des questions à Tal, vous voulez lui parler, n'hésitez pas. 0 870 42 48. On va vous prendre au téléphone dans un instant. Mais avant ça, voici comme chaque jour les sondages du matin. Attention. Tal, tu peux essayer de trouver. Une personne sur cinq dit qu'elle le sera au moins. Trois fois durant ses vacances. Elle sera trois fois quoi durant ses vacances? Sans thune. Non, c'est pas ça, Nico. Brûlée par les coups de soleil, non plus. Problème. En coup de foudre, non. Une personne sur cinq dit qu'elle le sera au moins trois fois durant ses vacances. Tal, comment tu seras pendant tes vacances au moins trois fois, d'après toi? Ouais, bah, j'allais endormi. Dire pareil, ouais, je suis endormie là. Non, mais il est 8h44, ce n'est pas du tout. Alors, ça se tient. C'est un truc qui t'arrive à la plage ou pas du tout? Ça peut t'arriver à la plage, mais c'est bizarre. Ah ouais? Je vais vous donner la réponse. Ouais. Une personne sur cinq dit qu'elle le sera au moins trois fois durant ses vacances bourrée. Ah, c'est peu? Ah. Ça va, Paulette? On est à la radio, Paulette. 7% des hommes ont pleuré en le faisant. Ah, 7% voilà. Des hommes ont pleuré en le faisant. En faisant quoi? C'est sexuel ou pas? Rien à voir avec le sexe. Ah. Ok. Ah. En bricolant? En bricolant, en pleurant, Ouais, en montant un meuble Ikea, que c'est trop frustrant. Ah, c'est pas con. Ah. Mais c'est pas ça. En coupant des oignons? Non. Non, mais c'est une bonne idée. Ouais. C'est effectivement, Tal, merci d'avoir essayé. Merci à vous. Ça y est, je suis enfin réveillé. 7% des hommes ont pleuré en le faisant. C'est un truc qui t'arrive seul ou t'as besoin de quelqu'un d'autre? Non, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Ok. Ah. Ouais. Et ça, on le fait chez soi? Non, tu le fais pas chez toi. Dehors? Non. Ok. En faisant pipi? Non. Et là, tu prends. Mon Dieu, il est tout petit! J'ai été jugé par le mec d'à côté. Non, 7% des hommes ont pleuré en demandant une augmentation. Oh, ah bon ouais, ils sont fou. Arrivés, ils ont demandé une augmentation, ils ont pleuré. Ah! Ouais. Ouais, c'est-à-dire que t'as plus d'arguments. Voilà. Ouais. Cet objet utilisé en sport est le plus vendu au monde devant le ballon. C'est plus vendu que le ballon. Ça va vous étonner. Ah? Tal? Une raquette? Une raquette, non. C'est jeu de plage ou pas? C'est oui, ça peut être. Ouais. Oui. La boule de pétanque. À la plage? Bah oui. Oui, c'est pas dangereux ça. Ah oui, fais attention. Genre, c'est vrai. La boule de bowling. Non. Pensez jeu de plage. Ah, bah les raquettes. Les raquettes? Oui, c'est les raquettes de plage. Non, c'est pas les raquettes. Le frisbee? Le frisbee. Ah, non, ouais. Le volleyball. Le volleyball. Non, mais il a déjà donné la bonne réponse. Ah, tu peux continuer. Hein. Mais je vous ai dit, je suis pas réveillée. Je suis à l'ouest au total. Le frisbee est l'objet de sport le plus vendu au monde. C'est une valeur sûre, le frisbee. Ah, t'es bon, sûr c'est... Bah oui, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de coupe du monde du frisbee que tout le monde regarde. Hein. Ah, bah, Non, mais tu sais qu'en revanche, c'est un vrai sport. C'est pas juste sur la plage, tu te l'envoies. Il y a des ligues aux États-Unis. Attends, de frisbee. Bouge pas. Il y a des ligues aux États-Unis. J'ai trouvé la télécommande. Pardon. Voilà. Ça marche. Non, tu voulais parler du frisbee en ce moment? Ouais, mais c'est bon, c'est que j'adore le frisbee, je suis absolument fan de ce truc-là. Et puis voilà, mais effectivement, t'aurais dû me couper deux fois là. Encore, s'il te plaît. Je vais me couper. Les sondages du matin reviendront demain, mais on va faire autre chose que les sondages. On a Natacha qui est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour à tous, bonjour Tal, bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie, Natacha, tu avais une question pour Tal. Oui, alors toi Tal, quel est le petit truc que tu piques en repartant de l'hôtel? Le bar. Rien du tout. Non, ça m'est déjà arrivé de Et en fait, tu vas tout le temps dans les hôtels en fait, t'arrêtes pas. Ouais, j'arrête pas. Bah oui, parce que forcément les concerts et tout ça, les tournées, bah tu tout le temps les hôtels. Ouais. Donc à un moment quand t'as piqué un shampoing, t'en piques pas 12. Non, en général, je pique soit une tu sais quand il y a une corbeille de fruits, je prends genre une banane. Mais ça c'est pas piqué, ça c'est normal. Ouais, c'est raisonnable. Franchement non, je vous avoue que je prends rien. Tu laisses tout. En fait, elle va trop dans les hôtels, donc elle pique chez les gens, chez ses potes. Oui, ça par contre, oui. Tu piques des choses à tes copains? Ouais. Genre de la bouffe. C'est vrai? Non, mais moi, c'est la bouffe, c'est ma passion. Après la musique, c'est la bouffe, ça se voit pas, mais j'adore bouffer. Vraiment. C'est génial en même temps. Et du coup, quand je vais chez des potes, bah, je regarde dans les tiroirs ce qu'il y a. Ah, c'est sympa. Voilà. Elle est où, Tal? Comme d'hab, elle est dans le frigo. Ouais, je regarde les frigos et tout. Ok, ça marche. Natacha, merci de nous avoir appelés. On te souhaite une belle journée. Merci, bonne journée. Salut, Natacha. Vous voulez parler à Tal, la voleuse de bouffe? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Attention, d'ici même une demi-heure, même pas une demi-heure, Tal va chanter en live mondial d'une façon totalement absurde. Ouais. On vous dit quoi? Le ridicule ne tue pas. On vous dit exactement comment dans 3 minutes, juste après Kaigo. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin, and all the greatest loves end in violence. It's tearing up my walls, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me, I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. You left your mark. Reminding me, you left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. Reminding me, you left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Baby, it hits so hard. Holding on to my chest. Maybe you left your mark. Reminding me to forget. On est lundi, c'est le 25 juin. Aujourd'hui, on démarre la journée tous ensemble et nous sommes en direct du Gros du Roi toute cette semaine en public. Vous pouvez faire du bruit. Et attention, dans une demi-heure, nous sommes tous dans une grande salle et dans une demi-heure, nous allons tous descendre. Nous allons tous nous retrouver sur le port du Gros du Roi pour applaudir Tal. Yes. Tal qui est avec nous ce matin depuis 8h30 et qui dans une demi-heure va chanter Mondial, son nouveau hit. Ouais. Elle va le chanter, alors on peut le dire maintenant, parce que ça va vous donner vraiment envie de rester. Ouais. On va mettre Tal dans une grande bulle, une bulle transparente, sur l'eau. Le petit truc, c'est que il est impossible de tenir debout dans cette bulle transparente en plastique sur l'eau. Pourtant, Tal sera debout dans cette bulle transparente en tentant de chanter Mondial. Ouais, enfin, debout. On sera à côté de toi. D'accord. Pour tenir la boule. Bien sûr. Au bout de 10 secondes, nous la lâcherons. Tu vas me pousser au loin. On enverra la musique. Et je chanterai ce soir, je prends le large. Mais c'est clair, c'est clair. Et tu vas tenter de chanter Mondial sur la boule. Il faut savoir qu'une fois sur deux, l'eau rentre dans la boule aussi. Ouais. Pauvre, elle est pas du tout rassurée. On va perdre au tas, ça va être compliqué. Alors, c'est ce qu'on appelle une water bowl. T'inquiète pas, le petit truc en plus, c'est que, a priori, comme c'est fermé pour ne pas que tu sois dans l'eau, on n'a plus d'air au bout de 30 secondes. Ouais, super, vraiment. On adore. Vraiment, non, on a tout fait pour que tu n'y arrives pas. Et si jamais tu y arrives, vraiment. Manu la vraie crapule. Un moment, on va lancer la boule et tu partiras dans l'eau là. En continuant à chanter, tu es prête? Mais tout à fait. Comme jamais. Tellement sympa, tellement courageuse. Mais elle a accepté de le faire. Personne ne l'a fait encore. Ouais. Je vais montrer c'est quoi les femmes d'aujourd'hui. Ouais, c'est bien, merci. Voilà. Tu vas aller le montrer aux poissons à 2 km. Mais défie tous les hommes. Tal va faire ça tout à l'heure, ce sera aux alentours de 9h15. On sera là tous pour t'encourager. Et c'est comme dans les compétitions de bateau, on te dira au revoir. Ouais. On sera sur le quai. Au revoir, Tal. On a Fabienne qui est avec nous au téléphone. Bonjour, Fabienne. Bonjour, salut Tal, Manu, les wouah. Bienvenue sur Énergie. Tu as une question pour Tal. Oui, alors Tal, quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives à la plage? J'étends ma serviette, je me mets de la crème et je rentre direct dans l'eau. Tu rentres direct dans l'eau? Ah ouais, j'adore l'eau. Tu te mouilles pas le cou? Ah non, j'adore l'eau. Bah après, ça dépend, si elle est vraiment froide, oui, je vais. Je n'ai jamais compris à quoi ça sert exactement de se mouiller le cou. La nuque? Oui, la nuque, ouais. Oui, bah le cou, la nuque, quoi. Ouais, je sais pas. Mais parce que c'est la partie du corps qui. Qui quoi? Bah, apparemment, c'est là où justement tu t'habitues tout ton corps et c'est ouais, à partir de la nuque en fait que tu peux habituer tout ton corps à l'eau. Je pense qu'un mec un jour a fait une vanne en disant il faut se mettre de l'eau sur la nuque avant d'aller dans l'eau. Ah, peut-être ça. Et tout le monde a suivi derrière. Non, il y a une vraie raison. Mais alors, il faut regarder sur Google. Puis t'as toujours l'air un peu ridicule, je trouve. T'sais, tu te penches dans l'eau et tu mets ta tape sur la nuque. Ah, mais moi, je vais toujours dans l'eau avec quelqu'un et je dis les gens me regardent, ils me disent non, et là, je mets de l'eau. C'est bon, c'est fait. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Fabienne. Belle journée à toi. Tal est notre invité ce matin jusqu'à 9h30. Vous avez des questions, les Wouah? Oui, bah, j'en ai une pour elle. Ah, bah, très bien, on t'écoute, Paulette. Je voulais savoir comment était l'homme idéal pour toi. C'est gênant. C'est... Bah, tu sais très bien, il est là. C'est ça. Voilà. Ah, bah voilà, c'est dit. Bah voilà. Ok, on enchaîne. Regarde, il est tout gêné. Il devient tout rouge. Non, je suis bien. Ouais. Arrête. Tu veux chanter? Oui. Tu veux chanter? Oui. Tu prends la guitare? Allez, vas-y. Viens, on fait un truc ensemble. Attends, Manu, il est en confiance. Ouais. Partez tous. Alors attention, sache que j'ai accompagné Big Flo et Oli à la flûte quand même. Ok, bah maintenant la guitare, on va voir ça. Je vois pas ce qui vous fait rire. Alors, tu veux chanter? Allez. On fait quoi alors? Ah bah tu me suis. Ah bah. Ah non, alors je sais faire. Ok. Je vous ai dit que Je prends le large était ma chanson favorite. Ouais. D'accord. Je sais la faire à la guitare. Ah ouais? Alors je sais, c'est très chelou, un mec seul chez lui qui joue du Tal à la guitare le vendredi soir. Et ben cette personne chelou, c'est moi. On le fait? Allez, vas-y. Bah, attends, je mets les paroles parce que je me rappelle. Y a pas de problème. aucun coup parce que. Le temps que tu choisisses tes paroles, je m'accorde. Parce qu'en général, sur scène, quand j'oublie les paroles, je tends le micro, tu vois. Mais là, c'est pas possible. Ok, attention, on y va. C'est une première mondiale. Je joue de la guitare avec Tal. C'est génial sur mon CV. C'est cool, quoi. Ouais. Allez, attention, vas-y. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Hey. T'es fort. Alors? Ah ouais. Salut, bébé. Hey. Vouloir m'échapper de tout, juste une envie de respirer. Ne me demandez pas où. Je n'ai pas de chemin tracé. Ici c'est déjà le passé. Je n'ai pas l'âge pour les regrets. Ailleurs je sais que je vivrai un jour nouveau. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. j'arrête pas moi. Je continue. On va continuer à faire de la guitare jusqu'à 9h30. C'est trop cool. Allez, merci. Bravo. Merci beaucoup. Oh, bravo. C'était magnifique. Tu pourras mettre sur ton CV que tu as chanté avec moi. J'ai trop de chance, franchement. Attention, dans un quart d'heure maintenant, Tal va disparaître sous l'eau. Nous allons la mettre dans une water ball. C'est une énorme boule en plastique dans laquelle elle sera enfermée. Elle va partir sur l'eau et elle devra chanter mondial. Mais ne t'inquiète pas, nous serons à côté pour te faire tourner. Tout à fait. Sinon, c'est trop facile. Tal est avec nous jusqu'à 9h30. On revient tout de suite avec les infos. Et puis, et les infos de Glandu arrivent aussi. Ouais. Cool. Attention, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ça arrive à 9h10, il y aura quoi? Je vais vous parler de Blink 182. Ils ont créé un nom de société complètement improbable. D'accord, le groupe de rock. Ouais, le groupe de rock Blink 182. Ah. Ouais. Oh d'accord, c'est rigolo déjà d'en parler d'eux. Ça va te plaire le nom de la. On vous rappelle que les infos de Glandu aujourd'hui datent de 1996. Allez, on revient tout de suite. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Les ouin-ouin. Sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Discount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout retenez la bien. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le sachet d'Emmental râpé français Carrefour Bio à seulement 1 euro. Non mais 1 euro, le sachet d'Emmental râpé bio au bon lait cru. Moi, j'hésite pas. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à samedi, chez Carrefour et Carrefour Market, le sachet d'Emmental râpé français Carrefour Bio est à seulement 1 euro. Carrefour. 100 grammes, certifié agriculture biologique, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose dans ses 110 centres des stages en petits groupes pour reprendre le rythme en douceur avant la rentrée. Réservez vite une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Y'a le patron ? Oh là là, je crains le pire. Ah, désolé, mais vous allez voir rouge patron. Hein. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils font la barquette de 500 grammes de tomates cocktail grappes à 1,49€. 1,49€ les tomates cocktail grappes ? Tu me mets dans le bateau, là ? Ah non, en barquette de 500 grammes, patron. Et origine France, hein ? Oh, quand même, ça a tombé, non ? Ouais, dans les tomates, oui. On est mal, hein ? On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Hier, j'ai mangé un barbecue. Ma brochette, elle était même pas cuite. Et ben moi, mon père, il allume le feu avec de l'alcool à brûler. Et ben moi, le mien, il fait de la magie. Il rallume le feu avec de l'essence et ça fait vrouf avec une très grande flamme. Et si nous transmettions la bonne attitude sur un barbecue, ni essence, ni alcool? Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Chérie. Oui. Est-ce que tu accepterais de venir en vacances avec moi cet été ? Oh oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo duo TGV avec deux billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. Préparez-vous à profiter des soldes comme jamais dans votre magasin géant. Aujourd'hui et demain, pour tout passage en caisse, recevez un bon d'achat de 15 euros à utiliser mercredi pour le premier jour des soldes avant 9h30 et après 18h. Une raison de plus pour profiter des bonnes affaires géantes de votre géant. Les prix bas, c'est... Géant ! Bon d'achat valable mercredi 27 juin des 75 euros d'achat. Un seul bon par passage en caisse. Offre valable dans les magasins participants. Date des soldes selon décret. Manu dans 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h02, on est en retard. Ça veut dire que c'est nous. dans un quart d'heure, nous allons perdre Tal. C'est dégueulasse. Il y en a qui sont contents. Ouais, mais personne. Mais restez bien avec nous. Elle va chanter son dernier hit mondial pour encourager l'équipe de France qui joue demain, je vous le rappelle. Oui. Oui. Nous allons tous avoir. C'est ça, hein. Oui, contre le Danemark. Tal va chanter dans ce qu'on appelle une waterball, c'est-à-dire une grande bulle en plastique géante qui flotte sur l'eau. Génial. Dans laquelle apparemment il est impossible de tenir debout. Avec des positions cheloues. Voilà. Évidemment, ce sera filmé, ce sera en Facebook Live. Ce serait dommage de louper Tal dans des positions cheloues. Ce sera dans un quart d'heure qu'on va faire ça. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours aucune ombre au tableau. Le soleil brille ce lundi sur toute la France. Ça va d'ailleurs continuer toute la semaine avec du grand beau temps, du grand ciel bleu à perte de vue. Et il va faire chaud dans les prochains jours. Ce matin, on passe de 13 à 21 degrés du nord au sud. Cet après-midi, il fera 25 à Dijon, 26 à Laval, 27 à Toulon, jusqu'à 29 pour Montauban. La dernière ligne droite, bon courage aux derniers élèves de terminale qui se lèvent encore pour passer leurs options aujourd'hui. C'est fini depuis vendredi pour les ES et du côté des L et des S. Il faut donc plancher au choix sur les arts, le latin ou les sciences de l'ingénieur et l'SVT. Pensez aux vacances ce soir, ça ira mieux. Résultat officiel dévoilé le 6 juillet. Dans l'actu également, un enjeu national. Pour mieux lutter contre la maladie, il faut d'abord la connaître et la comprendre. 4 cancers sur 10 en France pourraient être évités selon un rapport officiel. Nos mauvaises habitudes sont pointées du doigt et parmi les principaux facteurs de risque, il y a le tabac, mais aussi l'alcool ou encore l'alimentation trop riche et le manque de sport. À elle seule, la cigarette est à l'origine de 20% des cancers chaque année. Un coup de filet antiterroriste en France au week-end. 10 personnes proches du milieu de l'ultra-droite ont été interpellées dans plusieurs régions, notamment en Corse. Elles préparaient apparemment des attentats contre des musulmans. Le chef présumé du réseau vivrait en Charente-Maritime. On passe au sport avec la Coupe du Monde de foot. Les premiers matchs couperaient à partir de ce soir, début de la troisième journée et dernière d'ailleurs de la phase de poule. Le Portugal et l'Espagne vont tenter de décrocher leurs billets pour les huitièmes de finale respectivement face à l'Iran et le Maroc à 20h. La France, elle, fait partie déjà des 6 équipes qualifiées. Rendez-vous demain pour les Bleus contre le Danemark. Un petit peu de basket, le nouveau champion de France connu depuis hier, Le Mans, a remporté son 5e titre au terme d'une finale incroyable. Les Manceaux sont allés s'imposer à Monaco hier lors du match 5 dans une ambiance irrespirable. Et puis la F1 aussi, le bilan du Grand Prix de France, le premier depuis 10 ans. Le Var et le Castellet ont été pris d'assaut littéralement tout le week-end. Sur la piste, Lewis Hamilton a remporté la course. David Guetta, lui, a clôturé le spectacle avec un concert en début de soirée. En revanche, c'était toujours très compliqué, complètement bouché sur la route et des parkings à 23h. Un point à améliorer absolument pour l'année prochaine. Un retour, ça se prépare, surtout quand on est l'une des plus grandes stars de la planète. Adèle aurait rencontré sa maison de disques au début du mois et ils auraient mis au point un calendrier secret, celui de la création de son nouvel album, le premier depuis 3 ans. Elle devrait passer tout l'été à écrire en vue d'une sortie, sans doute vers Noël 2019. Adèle, 30 ans, maman d'un petit garçon, se consacre à sa vie perso depuis la fin de sa dernière tournée. Combien pour un pistolet laser? Celui d'Han Solo dans le film Retour du Jedi est parti pour 550 000 dollars à New York hier. L'objet était mis aux enchères avec une quarantaine d'autres articles, soir et le monde du décor de la galaxie Star Wars. C'est la fin de ce flash, très bon réveil, bonne matinée sur Énergie avec Manu dans le 6-9 qui reçoit Tal depuis le Gros du Roi. Bonne journée. Bienvenue sur Énergie, 9h06, nous sommes en direct du Gros du Roi et en public. Plus de 300 personnes ce matin. Vous êtes plus de 300 à vous être déplacés pour assister à la fin de carrière de Tal. Quel crapule. Tal est avec nous ce matin. Alors, merci beaucoup. Parce que nous savons que c'est dur, que tu es fatigué, que tu n'en peux plus. Mais tu as relevé le défi que nous t'avons lancé. Oui. Franchement, quand on l'a fait, on s'est dit, elle dira jamais oui. Elle a dit oui. Ouais, donc cool. Nous, on a fait, OK. Hein. J'ai peur de rien. Dans un quart d'heure, Tal va tenter de chanter son hit mondial pour encourager la France demain. Mais oui. Ouais. C'est important, on joue demain soir. Elle sera dans ce qu'on appelle une waterball, c'est-à-dire une grande boule de plastique géante dans laquelle... il n'y a pas beaucoup d'air. Oui. Non, c'est ça, c'est limité. Limité. Et en fait, ça flotte sur l'eau. Ça flotte sur l'eau, même quand on est à l'intérieur. Ouais. À chaque fois qu'il l'introduit, ça me Passe encore plus. Ça te rappelle où il va t'arriver. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas pas respirer. Ok. Le truc, c'est que on ne tient pas debout dedans. Donc ça va être compliqué pour Tal qui, au bout de 2 secondes, va tomber. Ouais. En plus, quand tu tombes dans la boule, c'est une boule, donc ça roule. Donc ça roule sur l'eau, donc elle va se retrouver dans des positions improbables, ouais. Tout en devant chantant le hit mondial. Et si jamais t'arrives à te stabiliser, évidemment, avec Glandu, nous serons à côté pour te refaire tomber. On est là pour ça. Ils sont dégueulasses. C'est bon. Ça me semble un défi tout à fait irréalisable, c'est pour ça qu'on le fait. Mais ça me fait rire, moi. Ah ben, écoute, rien ne l'attend. C'est le principal. Les plus belles 3 minutes de la vie de Tal, ce serait dommage de les louper. Ce sera, on va se faire ça dans même pas un quart d'heure sur Énergie. Tal est avec nous, vous voulez lui parler, n'hésitez pas. 0-870-42-48. On va s'écouter Aya Nakamura juste après. Ce seront les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On a Juliette qui est avec nous. Bonjour Juliette. Oui, bonjour l'équipe, bonjour Tal. Bonjour. Salut. Juliette, bonjour. Une question à poser à Tal. Oui, je voulais savoir quel est le cadeau le plus ouf qu'un fan t'ait fait. Ah. Très bonne question. Tu reçois plein de cadeaux? Ouais, je suis hyper gâtée. Oh, vraiment. Genre. Oh, enfin, cool. T'as des consoles de jeux? Non, parce que je suis pas très geek, donc non. T'en voulais un, c'est ça? Oui, je me serais accosté. Pierre, je leur demande, hein, si tu veux. Ouais. Si ça te gêne pas. Alors, si tu peux demander aussi une piscine. Non, le plus gros cadeau. J'ai déjà reçu une guitare. Yamaha, quand même, tu vois, c'est pas rien. Oui, c'est un beau cadeau, Une moto Yamaha, ça aurait été cool. Mais non, je suis assez gâtée, j'ai reçu pas mal de cadeaux assez ouf. Une fois, on m'a construit un trophée en clé de sol avec gravé dessus Team Tal. Ah ouais, quand même. Fidèle comme jamais. Enfin, c'est trop bien. Ouais, mais t'as des fans incroyables. Tal, elle a des fans qui la suivent partout. Ouais. Non, mais vraiment, y en a encore là derrière que je connais d'ailleurs. Bonjour, et madame. Que je vois grandir. Non, pas elle. Elle, c'est la chef de projet. Elle a. Attachée de presse, pardon, chez Warner, Jennifer. Et qui se cache. Ouais, parce qu'elle a honte de travailler avec toi, bravo. Viens, mais voilà, non, Jennifer, dis-leur que t'as pas honte. Alors, c'est pas possible. Non, et fans juste derrière là-bas. Et il y en a plein que je vois grandir aussi, parce qu'il y en a que ça fait 7 ans qu'ils sont là depuis le début. Ah oui, c'est ça, oui. Ça devient des potes, en fait. Ouais, carrément, on parle, on s'envoie des messages. Les concerts de Tal, en fait, c'est comme si nous on faisait des pique-niques entre nous. On discute, et puis à un moment, quelqu'un dit à Tal, bah tu vas chanter. Ouais. Ah oui. Ouais, non, c'est hyper. On est hyper proches, en fait. C'est une vraie relation, quoi. Écoute, félicitations. Voilà. Merci. Écoute, on est très heureux. Juliette, merci d'avoir été avec nous. On t'embrasse fort. Merci, bisous l'équipe. Salut, bye. Vous avez des questions, les moments pour Tal? Ouais. Nico? J'ai une grosse question. T'es plutôt piscine ou mer? Ça, c'est une grosse question. Ouais. Ça se voit que j'ai pas bossé ou pas. Je viens regarder la mer. J'ai dit, tiens, bonne question. Mer, plutôt mer. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. Toi, t'es plus piscine, Manu, pour faire les bombes. Hein. Ouais, déjà. Oui. Les bombes dans la piscine, c'est rigolo. C'est là. Dans la mer, c'est pas terrible. Ouais. Non, et puis la mer, il y a. Je sais pas, la température de l'eau, les algues. Le sel. Le sable aussi. Le sel. T'as allé qu'en France, en fait. T'as pas été dans d'autres plages? Dans d'autres pays, c'est pareil, c'est le même sable. Hein, c'est les mêmes problèmes partout. Ouais. Hein. Non, mais c'est sympa, 2 minutes. Oui, il y a le soleil, moi, je peux rester toute la journée dans l'eau. Ah, vraiment. Moi aussi, pareil. Mais vraiment. Et j'adore le sel sur la peau quand ça tire. Je trouve ça agréable. Ah bon? Ouais. J'aime ton frère. C'est moi, j'ai pas eu de réaction, j'étais là. Quand tu restes longtemps dans ton bain, c'est souvent t'as les doigts qui sont un peu chelous là. Oui. Est-ce que du coup, quand tu restes une journée entière dans l'eau, ça fait ça sur tout le corps ou pas du tout? Non, quand même pas tout le corps. Les mains, oui, mais. C'est chelou quoi de l'avoir sorti. Ah merde, c'est tal. Ouais, c'est un peu dégueu. Ouais. Non, là, c'est du slim là. Attention les amis, dans même pas 10 minutes, Tal va tenter de chanter son hit mondial pour encourager la France qui joue demain. Elle le chantera dans une water bowl. Elle sera enfermée dans une bulle en plastique qui va rouler sur l'eau dans la mer. Ouais. T'aimes l'eau, tu vas la voir. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes, juste après Aya Nakamura, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ouais, et les dinosaures, ça vous fait peur? Jurassic Park, les T-Rex, tout ça. Bah, disons, a priori, si on se retrouve devant un dinosaure, on s'en va, quoi. Ouais. Et ben, en fait, je vais aller vous les rendre grotesques. Ils étaient un peu nuls, les dinosaures. Ouh. Bim. Dans sa face, le T-Rex. Ouh. Alors, Glandu n'a pas peur de dénoncer des gens qui n'existent plus. Ouais, c'est ça. Pas de risque. Les infos de Glandu, c'est dans 3 minutes, juste après Aya Nakamura sur Énergie. On est lundi, c'est le 25 juin. On est en direct du Gros du Roi toute la semaine sur Énergie. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demande à tes pères. Tu croyais quoi? T'en serais plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu guettes ça. sais. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta carte, un dja dja. Genre, en code, t'en as baby, tu get ça. Bon, et bien sur Énergie, 9h14. Attention, le live de Tal Mondial. Et tu sais que t'as fait 10 millions de vues? Ouais! Sur YouTube? C'est énorme! C'est incroyable! Hein. Alors, en seulement 2 mois, je suis choquée. Franchement, je crois que j'ai jamais fait autant en peu c'est de temps. En fait. Ok, donc arrêtez d'aller voir le clip de Tal, quoi. Arrêtez. Oh. Non, continuez, faites tourner! L'album Juste un rêve, il est toujours disponible, il est sorti, il est quasiment numéro 1 des ventes en ce moment en France. Bref, c'est le succès pour Tal. C'est mais attention, ce succès, dans un instant, va s'arrêter. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, la promesse. Je te mets une pression. Ah ouais, non, mais. Dans un instant, vous allez vivre un live de Tal comme personne n'a jamais chanté. Elle sera dans ce qu'on appelle une water bowl. C'est une bulle en plastique transparente qui flotte sur l'eau, même quand on est à l'intérieur. Mmh. Elle sera dedans. Elle va tenter de chanter, sauf que petit 1, on ne peut pas rester debout dedans, on tombe. Il n'y a pas d'air. Petit 2, on sera à côté, donc si tu arrives à rester debout, on te fera tomber. Petit 3, au bout de quelques secondes, on n'a déjà plus d'air, ça devient compliqué. Et petit 4, tu vas dériver sur l'eau, partir au loin. Ouais, c'est voilà. Une galère, quoi. Tu es sûr que tu veux le faire? Ouais. Mais oui, mais si. Restez bien avec nous, les amis, ça va se passer dans un instant. Juste avant, on a Marine au téléphone. Bonjour Marine. Salut Manu, salut toute l'équipe, bonjour Tal. Salut. Marine, tu avais une question, peut-être la dernière question à laquelle répondra Tal. En plus, c'est une question mais hyper importante pour moi. Tal, quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait un câlin? Mais t'es une coquine toi, dis donc. Carrément. C'est important pour toi, mais c'est important pour le monde entier. Exactement. Oula. Dans une waterball. Wow. Ah putain, ça doit être drôle. Non. Elle se dit, alors ça je dis pas. Ça je dis pas. C'est un peu ça, ouais. Moi j'ai fait la forêt. Je peux dire. T'as fait la forêt? La forêt, non, jamais. Non, j'ai fait. Y a plein. Moi aussi. Ah toi aussi, Marine. Ah, attends. Dans un parc. Non mais attends. Non. Plage, des trucs. Sur une plage. Ah oui. Ah, sur la plage, oui. Sur la plage, oui. Ah ouais. Sur la plage, et ouais, il n'y avait personne, heureusement. Ah, du coup, oui, c'est mais bon, tu gagnes toutes les deux secondes, tu vois, mais ouais, sur la plage. Sur la plage. Ouais. Okay. Moi, j'adore la plage en général, donc du coup, je trouve ça hyper romantique, hyper sympa. Mais ça, le sable, ça ne. Non, mais tu mets une serviette. Ah, tu mets ouais, une grande ouais. serviette immense. Ah oui, d'accord, immense. D'accord. Okay. Ouais, avec un lit. Et tu construis des murs. Ça s'appelle une maison. Tu en mets fait. Des bougies autour. Et un... Merci d'avoir été avec nous, Marine. On te souhaite une belle journée. Salut, Marine. Merci à vous. Ciao. Attention, on risque de ne pas avoir le temps pour les infos de Glandu. Ok. C'est pas grave. Ah non, bah non, ça m'arrange. Tu les gardes pour demain. Ouais, je les garde pour demain, exactement. Ouais. Ah, ça se voit qu'on est en vacances. Hein. Ouais. Attention, les amis, nous revenons dans 6 minutes avec Tal qui va chanter Mondial dans une waterball en train de flotter sur l'eau. Quelque chose d'improbable, ce sera en Facebook Live. Manu dans 6-9, 6h, 9h30. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Right now, I'm a

Ok, ok, c'est d'ajout. Fais les chaînes comme Django. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Attention les amis, nous sommes en direct toute cette semaine du Gros du Roi, nous sommes au public, nous sommes à l'extérieur, vous pouvez faire du bruit. Nous sommes en Facebook Live pour que le monde entier puisse voir ce qui va se passer maintenant. Nous vous l'annonçons depuis ce matin, Tal est avec nous, elle est arrivée à 8h30. Elle a écrit à sa famille, tous les gens qu'elle aime sont au courant de ce qui va se passer maintenant. Ouais. Il est possible que dans un instant, Tal disparaisse à l'horizon. Vous pouvez nous voir en Facebook Live. Tal, dans un instant, va rentrer dans ce qu'on appelle une waterball. Alors, une waterball, c'est une grande boule en plastique qui flotte sur l'eau, même quand on est dedans. Il est censé flotter. Tal, oui, il est censé flotter. Vous êtes dégueulasse, arrêtez. Tal va rentrer dedans. Elle va chanter son dernier hit mondial pour encourager la France qui joue demain. Nous sommes tous aux couleurs de la France. D'ailleurs, on est magnifiques. Ouais. Bravo à tous. Le seul truc, c'est que, a priori, on ne peut pas tenir dedans, debout. Et que, ensuite, avec le courant de l'eau, forcément, ça s'en va un petit peu partout. Et donc, la boule va se tourner. Tu vas devoir chanter dans des positions assez incongrues et assez, bref, je te demande pardon par avance. Tu es prête? J'espère vous revoir. Oh, c'est touchant. Ouais. Écoute, pour te revoir, nous, il faudra qu'on prenne une barque pour aller te voir quand tu seras parti là-bas. Attention, c'est en Facebook Live, vous pouvez voir ça. Ouais. Tal rentre dans la boule. Vous pouvez vous pouvez l'encourager. Hein. Vous pouvez faire du bruit. Ouais, c'est une... Allez. Attention. Je me mets à l'eau. Glandu est à côté, il va se mettre à l'eau. Je vais me mettre de l'autre côté de la boule aussi. Elle est fraîche. Elle est fraîche un petit peu. Nous allons être à côté de la boule parce que si jamais Tal réussit à tenir debout, on la fera tomber. Ah. Attention. Allez, soyez sympa. C'est en Facebook Live. On peut faire partir la boule? C'est bon. Attention. Attention. Attention. Oh là là, il y a peut-être un petit souci avec le micro de Tal, me dit-on. Est-ce que c'est bon? Il faut qu'on me dise juste si c'est bon. Est-ce qu'on entend Tal? Parce que le problème, c'est qu'elle est dans la boule. Ouais. Alors si on ne l'entend pas dans la boule chanter, forcément, ça va être un problème. Attention, est-ce qu'on peut me dire? Je m'adresse à un technicien qui va nous dire exactement ce qui se passe. Quel est le problème? Il était éteint. Ah, ça y est, on l'a. Ah, c'est bon. C'est la première fois que Tal chante, elle sait pas qu'il faut allumer le micro. Est-ce que t'es prête? Ouais. Alors, avant de démarrer, faut que tu te mettes debout. Ouais. Tente-le. Attention. Wow. On tient. Aïe. Attention, t'es prête? Ouais. Est-ce que vous plaît? On dirait qu'elle est aux toilettes. Attends, on va retenter. Allez. Tal mondial dans une waterball, c'est une première mondiale. Ouh. Attention, vous pouvez l'encourager. Ouh. Attention. Oup. Attention. Il a failli tomber. On est venu danser, oublier que tout va mal. You gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce soir c'est le mondial. Sens-tu, sens-tu qu'on y est? Sens-tu la folie du monde à nos pieds? Dansons l'humanité, dansons sans y penser. Ah, c'est dur. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy, ce veut dire tout le monde. Chantons l'égalité. Tout le monde veut dire tout le monde. Dansons l'humanité. Danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic. The love is getting loud. On est venu chanter l'amour international. Everyone's going crazy. Ce soir c'est le mondial. Ça va? Je respire plus. Ah, on va te ramener au bord. Sortez là. Tal en direct en train de chanter dans une waterball sur l'eau. Alors, il y a deux solutions. Soit on te ramène, soit on laisse la waterball dériver là-bas. Ah non, là-bas. Sortez-moi. Sortez-la de la boule, la pauvre. On va la sortir. tout va bien. Wow. On va l'ouvrir maintenant, pardon. Excuse-moi, je maîtrise pas bien la situation. Tal a réussi à chanter toute sa chanson. Alors, on n'a pas l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore un peu de temps. Il est 9h30. Ouais, 9h30. Ah, il est... D'accord, tout va bien alors. Bravo. Bravo, ah ouais, bravo. L'air. Comment c'était? De l'air. C'était comment? Bah écoute, j'avais... C'était très sympathique, sauf que... Ah, ça fait du bien le vent. De l'air, ça fait du bien. Non, franchement, j'ai adoré, c'était une belle expérience. Merci. Tu veux le refaire à tous les concerts? Non. D'accord. Je pense que on va s'amuser de ça, mais bon, avec ça normalement on va gagner demain. C'est sûr. T'as tout donné, la France joue demain. Bah là, on espère en tout cas. Ouais. Tal était notre invité. On est derrière les Bleus à fond demain. France, Danemark, on va tous les supporter derrière nos écrans. Moi pareil, je vais d'ailleurs demain je suis off. Je vais mettre dans mon canapé et je vais regarder le match tranquillou quoi. Tu nous fais rêver. Je suis dans un bon vieux jogging. Comme une bonne vie. Je bois rien thé, je regarderai le foot. Et voilà. Je mangerai un bon chocolat chaud. Je mangerai des canapés purés, je ferai bien. Et après je regarderai une petite série sur Netflix. Et voilà. Ben on sera bien. Elle sait faire rêver. Tal est notre invité ce matin, vous pouvez l'applaudir. Merci. Bravo. Ouais. On se retrouve demain. On est toute la semaine en direct du Rodeo du Roi. Je vous le rappelle, vous voulez venir, eh ben, vous vous inscrivez sur manudans69.com. N'hésitez pas. Vous pouvez être plus de 300 chaque matin à venir avec nous. Merci à vous tous qui vous êtes levés ce matin. Vous pouvez vous applaudir, vous auto-applaudir. Ouais. Si vous voulez voir une petite vidéo en même temps, une petite vidéo grotesque de Glandu, c'est le moment. Ah ouais? Sur notre page Facebook. Ouais. facebook.com/manudans69 tous les jours, parce que Glandu adore se déguiser. C'est vrai. C'est avec déguise-toi.fr qu'on fait ça. Il a un déguisement un par jour. Aujourd'hui, c'est Superman. Je suis en Superman et je sauve une vie, ouais. Alors, tu la sauves pas, la personne. Allez voir la vidéo. Il y a des bons d'achat chez Déguise-toi aussi, ouais. À gagner en mettant des commentaires à la vidéo. Tout est expliqué sur Facebook. Merci beaucoup à Tal. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. C'est top. Et respire. Ouais. Respire. J'ai encore. Ça va aller. Tout va bien. Allez, ouais, merci. Adieu à Tal. C'est super. Et dans un instant. Passez une belle journée. À demain, les Wawa. À demain. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount avec la phrase énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est énergie. Surtout retenez la bien. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Préparez-vous à profiter des soldes comme jamais dans votre magasin géant. Aujourd'hui et demain, pour tout passage en caisse, recevez un bon d'achat de 15 euros à utiliser mercredi pour le premier jour des soldes avant 9h30 et après 18h. Une raison de plus pour profiter des bonnes affaires géantes de votre géant. Les prix bas, c'est... Géant!